في سياره واقفه غلط نفتحهم. ها ما في اذا موضوع الامس اتمنى وارغب ان لا يتكرر. J'espère que ce qui s'est passé hier ne se reproduise pas. حتى لا يكون منا ما يتكرر. حتى لا يكون منا ما يتكرر. De cette sorte qu'il ne répète pas ce qu'il a fait en lui. صافي. بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومواله. نبدأ تكملة لما توقفنا به بالأمس. وصلنا إلى كنا في نفس الحديث توقفنا حديث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. donc on s'est arrêté au hadith où le prophète s'est envoyé Mu'adh au Yémen. فأول ما أمره به الدعوة إلى التوحيد. la première chose à laquelle il a appelé c'est l'appel à l'unicité. وأي أمر أي أمر ترغب الثبات عليه. Et toutes choses pour lesquelles tu espères être ferme dessus, tu dois y appeler. Donc, pour que tu puisses être ferme sur l'unicité, il faut que tu y appelles. Donc, il est obligatoire d'unifier Allah. التوحيد الله et l'unicité d'Allah هو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. C'est le fait de l'unifier dans l'adoration sans rien lui associer. فإنهم أجابوك لذلك. Donc s'ils te répondent favorablement. أي وحد الله. Donc s'ils unifient Allah. فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. Apprends-leur, dis-leur qu'Allah leur a ordonné cinq prières. فإنهم أجابوك لذلك. S'ils répondent favorablement. يدل على أن العقيدة Cela montre que la croyance c'est la chose la plus dangereuse pour le cœur. Et la prière est la chose la plus dangereuse pour ce qui concerne les actes. Donc la différence entre eux et nous, la prière. Donc celui qui la délaisse sera mécru. Muslim يشهد أن لا إله إلا الله. وكان مسلم كيتس لا إله إلا الله. ولا يصلي. il ne prie pas. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حال النزع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي. وهو في وقت الموت. donc à un moment de la mort. لا حظ في الإسلام من ليس له حظ في الصلاة. rien pour rien En fait, celui qui ne prie pas n'a rien de l'islam. Donc la salat a une place très importante et très dangereuse. Donc ensuite, après donc, la shahada et la salat, il leur a donné les autres obligations. Comme la zakat et ce qui s'ensuit. قال المؤلف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وتعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Sahal ibn Sa'd pendant la guerre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète et qu'Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. Les compagnons passèrent alors la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète dit alors Où est Ali ibn Abi Talib? On lui répondit Il se plaint de douleur aux yeux. On envoya quelqu'un le chercher et on l'amena devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui cracha sur ses yeux. Il invoqua Allah en sa faveur et Ali fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait jamais touché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui confia l'étendard et lui dit « Avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah le Très-Haut, car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. » هذا الحديث دوكس حديث ايضا فيه بيان شان الدعوه الى العقيده دوك موت également l'importance de l'appel à Allah à la croyance authentique الدعوه الى الله دوك l'appel à Allah واضحه هنا في هذا الحديث دوك clair dans ce hadith وهذا الحديث يوم خيبر نفس الحديث du jour de Khaybar وفيه أيضا منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهنا في هذا الحديث إخبار بأنه يحبه الله ورسوله ففرق بين أن تحب وأن تحب يحب الله ورسوله لما الله يسون مساجير كلنا نرجو الله ذلك في قلوبنا nous tout le monde dans nos cœurs espérons cette chose là ولكن قوله ويحبه الله ورسوله mais le fait qu'il ait dit que Allah et son messager l'aime هذه منقبة هذه ميزة وخاصية voilà c'est une spécificité pour lui علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب لم يكن حاضر n'était pas présent. ويدل على أن الأمور المقسومة أن الأمر الذي أراده الله سيكون ولو ليس لك به علم. Donc les choses que Allah avait décrétées arriveront même si tu n'es pas présent. فكلهم كان يرجوها وباتوا يدوكون ليلتهم. Tout le monde donc espérait cet étendard et ils ont passé la nuit à discuter pour savoir à qui elle sera confiée. وعلي أصابه في عينيه رمد. Alors Ali avait des problèmes au niveau des yeux. تعرفون الرمد؟ هو مرض يصيب العينين. C'est une maladie qui touche les yeux. تفرز. تخرج مادة. Donc il y a une projectivité certainement. Ouais. Donc quelque chose qui sort de l'œil. من غي وصديد فييبس فلا يستطيع أن يفتح عينيه. Projectivité, une projectivité. ما يستطيع. Il pouvait pas ouvrir ses yeux. فأتي به. Donc on l'a ramené. قولهم أتي به معناه أنه. Donc le fait qu'on l'ait ramené, cela veut dire. لا يرى. Il ne voyait pas. لشدة الرمد. À cause de la forte projectivité. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب طلع لقاي. أصابه المرض ولم ينفع نفسه. Donc il lui est tombé une maladie, il ne pouvait rien faire contre elle. ولم يشافى نفسه. Il ne pouvait pas se guérir. والآن يقال يا علي. Et aujourd'hui on l'appelle هو علي وعلي. هو وهو حي لم ينفع نفسه. De son vivant il ne pouvait pas se guérir. كيف ينفعهم بعد الموت؟ Comment pourrait-il guérir les autres؟ ولكن هكذا. عقيدة بعض الناس. Comme ça, la croyance de certaines personnes qui sont dans l'égarement. علي بن أبي طالب Ali ibn Abi Talib. Fatah Allah ala yadayhi. Donc a fait de nombreuses conquêtes grâce à la personne d'Allah, grâce à lui. Beaucoup de conquêtes ont été faites par lui grâce à Allah. Wa ma'a dhalika qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'awwal ma tad'uuhum ilayhi. Et la, malgré tout ça, la première chose, le professeur Salim lui a dit, la première chose à laquelle tu appelles, que lui as-tu dit première chose à laquelle tu les appelles, Anish, tu m'as ouvert ton esprit, le kitab, Ayyuwahidullah, donc ils unifient Allah, Ayyuwaddu haqqa, donc ils lui donnent ses droits, Ma huwa haqqullah, donc quel est le droit d'Allah? أيُعبد qu'il soit adoré ولا يشرك به شيء et qu'on lui associe rien. فهذا يدل على cela montre أن الجهاد في سبيل الله que le jihad dans le sentier d'Allah أعظمه الدعوة إلى التوحيد. La première chose le plus important dans cela c'est l'appel à l'unicité. إن استجاب الحمد لله s'il répond favorablement la louange est à Allah كفى الله المؤمنين شر القتال ça suffit quoi, pas besoin d'en rajouter. لم يسلموا s'ils ne soumettent pas. Et cette groupe-là a empêché que le bien se propage chez les gens. La Bouddha an yasil lil nas. Il doit être propagé aux gens. Il doit arriver aux gens. لو هناك 100,000 s'il y avait 100,000 personnes. والحريقة تصل إليهم. Et le feu leur arrive. ووقف في سيارة الأطفاء 2-3. ووقف امام سياره اطفاء الحريق 2 أو 3 si deux ou trois personnes étaient devant la voiture qui éteint le feu. لا يريدون ان تصل سياره اطفاء الحريق الى الناس لتنقذهم. Ils ne veulent pas que les pompiers à l'époque. سياره الاطفاء تأتي لإطفاء الحريق. Donc les pompiers arrivent pour éteindre le feu. وهنا 100,000 شخص. Et il y a 100,000 personnes. فيأتوا 2-3 أمام السيارة. Ils viennent 2 ou 3 personnes vers la voiture. يمنعونها أن تأتي لهذه المجموعة. Et ils l'empêchent de venir vers ces 100,000 personnes. فهل هؤلاء الثلاثة يستحقون الاحترام؟ Est-ce que ces 3 personnes méritent le respect؟ حتى لو وصل الأمر إلى أن يزالوا بأي طريقة لإنقاذ 100,000. Même si, quelle que soit la façon dont ils arrivent pour sauver les 100,000 personnes, telle est la façon de faire le djihad fi sabilillah. Donc, c'est l'appeler les gens. Donc, au début de l'islam, il y avait des gens qui empêchaient que ce djihad arrive aux gens. Ils sont comme les pompiers. ولما وصلوا الى الناس يدخلون في دين الله افواجا les gens sont rentrés dans la région en nombre. اذا السبب كان هؤلاء الذين يقفون في وجه انتشار الخير. Donc ces gens-là la cause de la non propagation c'est ceux qui sont mis en travers de ceux qui voulaient propager le bien. وهؤلاء لو ماتوا على غير الاسلام تحرقهم النار. Et ceux qui sont morts en dehors de l'islam le feu les brûlera. فيموتوا على الكفر. Ils mourra donc sur la mécréance. هذه ceci معاني sur les significations الجهاد. Du jihad. ولذلك أولا donc premièrement يسلموا ils se soumettent. لم يسلموا s'ils ne soumettent pas يؤدوا الجزية ils payent comme un impôt. لم يؤدوا s'ils ne payent pas تأتي مسألة السيارة الأطفاء là la voiture des pompiers يقاتل ils sont combattus. هذا متى quand est-ce que ça se passe? هذا تحت راية ولي أمر المسلمين. Donc sous l'égide d'un gouverneur musulman. وليس الفوضى التي يعملها البعض. C'est pas comme le désordre comme certains font aujourd'hui. مثل ما سمعنا يقتل. Comme on entend que quelqu'un tue une personne. بعض هؤلاء في بلادهم. Dans leur propre pays, dans les pays mécréants. فيأتون إليه ويقتلون شخص. Ben, il va vers un policier par exemple et le tue. لماذا تقتله؟ Pourquoi tu le tues؟ ليس مسلم. Parce qu'il n'est pas musulman. لا تأتي. Ne n'y va pas. تأتي في بلده تقول هو ليس مسلم. Comment هو ليس مسلم. Tu vas dans ton pays, tu dis qu'il n'est pas musulman. Bien sûr qu'il n'est pas musulman. حتى في بلدك. Même dans ton pays. من ليس مسلم. Celui qui n'est pas musulman. فأنت لا تجبره للدخول الإسلام. Et tu ne forces pas à rentrer dans l'islam. لا إكراه في الدين. Donc aucune contrainte dans la religion. قد تبين الرشد من الغي. Donc l'égarement et la تبين الحق من الباطل. L'égarement et la vérité sont claires. المهم الدعوة إلى الله. Donc l'appel à Allah. انتشرت في العالم الإسلامي. S'est déplacée dans le monde musulman. وفي كثير من الدنيا. Donc dans beaucoup de parties du monde. لأن الناس أرادوا الإسلام. Parce que les gens ont voulu l'islam. أسألكم. Donc je vous pose une question. Ceux qui se sont convertis. هل حد أجبركم على الإسلام؟ Est-ce qu'une personne vous a obligé à vous convertir? أجيبوا. Répondez. ألا يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف؟ Ne disent-ils pas que l'islam s'est répandu par l'épée? ما هو السيف الذي أتاكم؟ Quelle est l'épée qui vous est venue? أجيب. Répondez. هل أحد جبركم؟ أنتم يا من أسلمتم. Ceux qui sont convertis, est-ce qu'une personne est venue vous a menacé avec l'épée? هل أحد أجبركم؟ Est-ce qu'une personne vous a menacé avec l'épée? أجبرك أحد؟ يبدو أنك فرنسي. Tu as l'air d'être français. Est-ce qu'une personne s'est venue et t'a obligé à te convertir par l'épée? Est-ce qu'une personne est venue et t'a dit convertis-toi avec l'épée? L'islam, c'est la religion sur laquelle tout le monde est né. Donc ils ont peur de sa propagation. C'est la religion du bon comportement. Elle respecte toutes les choses. C'est l'organisation. إذا نحن فعلا طبقنا. Si nous le pratiquions véritablement. والذي فعلته أنا بالأمس. Et ce que j'ai fait hier. لأنه لم يكن هناك تطبيق. Parce que nous n'avons pas pratiqué cet islam. ألا يكفي أن نسمع ولا نطبق. Il ne suffit pas d'écouter et ne pas pratiquer. فأوقفت الدرس. C'est pour ça que j'ai arrêté le cours. وكان درس. Et c'était une leçon. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen à qui se rapproche le plus de son Seigneur. Chapitre numéro 5, l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Après avoir montré pourquoi Allah nous a créés, pourquoi il a envoyé les messagers, et qu'il est obligatoire et que nous devons suivre ça, et le mérite de l'unicité, ce qu'il explique comme péché, et le fait de le mettre en pratique, et le fait de l'avoir peur de délaisser, et le fait de l'y appeler pour rester ferme dessus. Donc, il va vous expliquer à quoi tu vas appeler. الدعوة إلى الله دعوة تفصيلية. Donc l'appel à Allah est une da'wa qui demande des explications, des précisions. ولذلك أورد هذه الآية. C'est pour ça qu'il a ramené ce verset. أن معنى التوحيد يعرف بضده. Donc le sens de l'unicité est connu par son opposé. ولذلك قيل. C'est pour ça qu'il est dit. وبضدها تتميز الأشياء. Par leurs opposés, les choses se savent, se différencient. كيف تعرف الحر؟ إلا بعد البرد. Comment tu connais le chaud sauf si ce n'est après le froid? فتفقد البراد لأنك وقعت في الحر. نعم. أدري نعم. كله. تفقد البراد لأنك وقعت في الحر. لا تفقد le froid est parti parce que tu es tombé dans le chaud. وتفقد الحلو لأنك وقعت في المالح. tu as perdu la sucrée parce que la mer est venue. وهكذا أشياء كثيرة. Et toutes les choses sont comme ça. فمن وقع في الشرك. Donc celui qui tombe dans le polythéisme. نقض التوحيد. Donc a annulé l'unicité. ومن عرف التوحيد. Et celui qui a connu l'unicité. فر من الشرك فرارة من النار. S'éloigne du polythéisme comme s'il s'éloignait du feu. أولئك الذين يدعون. Ceux qui appellent. أي هذه المعبودات التي هم لجأوا إليها. Donc les adorés chez qui ils se sont retournés. الأصنام والأوثان. Les statues. والقبور. Les tombes. أتوها يبغون منها ils y sont allés pour demander أن تقربهم إلى الله pour qu'ils se rapprochent d'Allah. هم مؤمنون أن هذه الأشياء قريبة من الله لصلاحها. Ils croient أن هذه الأشياء من الصالحين parmi les pieux, أنها قريبة من الله qu'ils sont proches auprès d'Allah. يعلمون هذا ils لأنهم صالحين qu'ils perçoivent sont des gens pieux. فهم يأتون للصالحين ليقربونهم إلى الله donc ils se servent de ces pieux-là comme intermédiaire pour se rapprocher d'Allah. هذه الآية donc ce verset يقول الله لهم Allah leur dit هؤلاء الذين أنتم تدعونهم ceux que vous invoquez ces personnes-là هم قريبين من الله sont proches d'Allah يبتغون إليه الوسيلة ils invoquent le ils veulent l'intercession donc en pratiquant ces actes d'adoration faites comme ils font لا تذهبوا إليهم فقط. N'allez pas chez eux seulement. أنتم تقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. Vous rapprochez-vous d'Allah par vos propres actions, vos bonnes actions. هذا هو التوحيد. Ça c'est l'unicité. أما إذا اتخذتموهم وسيلة. Alors si vous les prenez comme intermédiaire. إلى يقربوكم إلى الله. Pour vous rapprocher d'Allah. ليس هذا التوحيد. Ça c'est plus l'unicité, c'est du polythéisme. واضح. Est-ce que c'est clair? Non. قولوا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إنني هكذا تقال إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه قراءة حفصة Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. إذن هذه الآية فيها معنى التوحيد أيضا. Donc ce verset comporte aussi la signification de l'unicité. فالموحد يبرأ. Donc le موحد. الموحد العابد لله يبرأ. يعني يتبرأ. Celui qui pratique l'unicité se désolidarise. من الشرك. Du polythéisme. والمشركين. Et des polythéistes. إني براء منكم ومما Je suis innocent de vous et de ceux que vous adorez. أي أنتم أيها الفاعلون ومن فعلتم له أنا أبرأ منكم جميعا. Donc vous, ceux qui vous faites ça, ce que vous faites, je suis innocent de vous. Je me désolidarise de vous. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا معنى التوحيد. براءة من الشرك حتى يتحقق التوحيد. D'accord, donc je me désavoue de vous et il y aura entre vous et nous de l'inimitié, de l'animosité jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc, إنني براء مما تعبدون. Donc je me désolidarise de ce que vous adorez. إلا الذي فطرني. Sauf celui, à l'exception de celui qui m'a créé. الباب تفسير التوحيد صح. Donc ce chapitre explique l'unicité, n'est-ce pas? براء مما تعبدون. Donc sinon sortez de ce que vous adorez. لا إله. Donc aucune divinité. إلا الذي فطرني. Sauf celui qui m'a créé. إلا الله. إلا الله donc sauf Allah. هذا معنى لا إله. Donc ceci est la signification de لا إله. إلا الله. إلا الله. براء مما تعبدون. لا إله. Donc si nous sentez de ce que vous adorez, ça correspond à la formule لا إله. Donc la négation. هذا نفي. Donc c'est une négation. إلا الذي فطرني. عليكم السلام. هذا إثبات. À l'exception de celui qui m'a créé, ça c'est une affirmation. فهذا تفسير لا إله إلا الله. ceci est l'explication de la ilaha illallah. la formule la ilaha illallah. البراءة من الشرك والنفي للمشركين. donc de se désolidariser du polythéisme et des polythéistes. والإثبات لعبودية الله إلا الذي فطرني. et le fait d'adorer seul Allah sans rien lui associer correspond à la parole sauf à l'exception de celui qui m'a créé. واضحة ولا ما هي واضحة؟ est-ce que c'est clair ou non؟ معنى التوحيد واضح هنا؟ donc la signification de l'unicité est claire maintenant؟ هذا ما أراده المؤلف بقوله باب تفسير. donc c'est celui qui a voulu a énoncé l'auteur en choisissant ce titre. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah ainsi que Jésus le Christ fils de Marie. Il dit encore « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُولِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. إذن هنا يتضح عندنا أيضا تفسير التوحيد. Donc dans ces versets-là, également l'explication de l'unicité. اتخذوا أربابهم من دون الله. Donc ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. والثانية من دون الله يحبونهم كحب الله. Et les autres, ils aiment Allah au même niveau qu'Allah. ومن وقع في هذا هل هو موحد؟ Est-ce qu'il tombe dans cette chose? Est-ce qu'il pratique l'unicité? ها؟ وبضدها. Donc par les opposés. تتميز الأشياء. Les choses se différencient. نعم. احيانا تعرف الشيء من ضده. كيف عرفنا النور؟ كما avons connu la lumière. الظلمه par le fait que ce soit sombre. فتشعر بالنور. Donc tu sens la lumière. كيف عرفت الشرك؟ Comment as-tu connu le polythéisme? لانك موحد. Parce que tu es un mouahid. فالموحد لا يرضى الشرك. Donc celui qui pratique l'unicité n'aime pas le polythéisme. بل يحزنه وقوع الناس فيه. Au contraire, ça l'attriste le fait que les gens tombent dedans. النبي صلى الله عليه وسلم هو مسافر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم était voyageur. يقول من يريحني من ذي الخلصة. Celui qui m'apaisera de ذي الخلصة. ذي الخلصة. ذي الخلصة. قريب من منطقة اسمها الباحة. C'est près d'un endroit qui s'appelle Al-Baha. وفي منطقة تحديدا اسمها دوس. C'est il y a un endroit particulier qui s'appelle Dous. ما بين المدينة. Entre Medina. Entre Medina. ودوس. Et Dous. مسافة كبيرة. Il y a une grande distance. أبعد من باريس. Plus loin que Paris. باريس كم تبعد؟ 270 تقريبا. دبل. دبل. Le double. إذا باريس تبعد 270 كيلو من المدينة إلى الباحة الله أعلم تقريبا في 500 أو 600. Donc entre Médine et أكثر. Plus de 600 يعني من مكة من مدينة إلى مكة 400 وزيادة. ومن مكة إلى الباحة مسافة أيضا قريب من هذه المسافة. لا بعيدة جدا. Donc, ومع ذلك لم يرتاح النبي. Malgré cela, malgré cette grande distance, le professeur Salam n'était pas apaisé. من يريحني من ذو الخلاصة. Qui m'apaisera de cette personne-là, de ذو الخلاصة. فيذهب أحد الصحابة قال أنا يا رسول الله. Un des compagnons s'est levé et a dit moi au prophète صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى ذو الخلصة ويهدم ذلك الصنم. Et lui, il a tué cette statue. Il a détruit cette statue. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Et donc dans le sahih de ce dont le prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui dit la ilaha illallah et il la met en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang est haram, est interdit. من قال لا إله celui qui dit la ilaha illallah illallah هذا قال celui il l'a dit القول لا يكفي le fait de le dire ça ne suffit pas يتبع القول أشياء le fait de il faut que la des actes suivent la parole ماذا تبعه هنا qu'est-ce qui a suivi après ça كفر بما يعبد من دون الله donc il a mécréance qui a adoré en dehors d'Allah يعني ما يقول لا إله إلا الله il ne dit pas la ilaha illallah أنا مسلم je suis muslim وهذا الدين الثاني على خير les autres والدين الثالث على خير وهذه الأديان ما أقول فيها شيء أهم شيء عندي نفسي ممكن هم على خير على شر ما أدري لا Non, pas du tout. وكفر بما يعبد من دون الله. Il doit mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah. كل المعبودات الآن باطلة. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah aujourd'hui sont fausses. إلا عبادة دين الإسلام. Sauf l'adoration qui prévaut dans l'islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui choisit une autre religion que l'islam sera. Celui qui choisit une autre religion que l'islam comme religion. Donc il ne sera pas accepté, il fera partie des perdants. يعني من مارس دين غير دين الإسلام. Donc celui qui pratique une autre religion que l'islam est rejeté. والآخرة خسرا. Et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. لأن الله ختم بالإسلام. Parce que Allah a achevé la religion. ختم برسوله الرسل. Il a scellé la prophétie avec le prophète. ختم بالقرآن والكتب. Il a scellé les livres avec le Coran. ختم بأمته الأمم. Il a accéléré avec notre communauté les communautés. فأمّة خير أمّة. Donc cette communauté est la meilleure communauté. كنتم خير أمّة أخرجت للناس. C'est la meilleure communauté qui est sortie aux gens. والقرآن مهيمن على ما قبله. Le Coran englobe tous les livres qui le précèdent. والرسول خاتم. Et le prophète est le seul des prophètes. وهذا الدين هو المرضي. Et cette religion est qui est autorisée. فتكون هنا شرف هذه الأمّة. Et donc cette communauté a une honneur. نحن الآخرون الأولون. Nous sommes les derniers les premiers. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui le dit. نحن الآخرون الأولون. نسمى les premiers les derniers. يعني آخر أمة وأول أمة. نسمى les derniers la dernière la communauté mais la première. الحمد لله إن جعلنا مسلمين. الحمد لله إن زفينا مسلمين. الحمد لله إن جعلنا مسلمين. الحمد لله إن زفينا. إن شاء الله يثبتنا على دينه. لما ضلنا نغفر. حتى نلقاه. jusqu'à ce que nous l'aurons accompli. Et que notre dernière parole soit la ilaha illallah. Et ça, c'est le sens du hadith. وكفر بما يعبد من دون الله. Donc, il a mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah. إذن هذه أمرين ظاهرين. Donc, ces deux choses-là sont claires. ماذا يستحق؟ Que mérite-t-il؟ حرم ماله. Donc, ses biens sont interdits. ودمه. Son sang. هذا في ظاهر الأمر وفي الدنيا. Ça, c'est pour des choses apparentes dans son bas monde. وحسابه et son compte على الله. Et pour Allah. هذا سريرته وباطنه نوكله إلى الله. Ça, les choses qui sont à l'intérieur de son corps qu'on ne peut pas savoir, on les laisse pour Allah. فالمنافقين يدخلون في ظاهر هذا الكلام. Donc les hypocrites rentrent dans ce sens apparent. Le sens ولكن apparent. في قوله وحسابهم على الله لا يدخلون في النجاة. Mais rentrent pas dans la partie où il dit que l'intérieur du corps sera pour Allah. يعني من أظهر لنا خير. Bon, ce qui veut dire que celui qui montre de nous du bien, donc on lui respecte ce qu'il a, il respecte ce qu'on a. Et s'il casse quelque chose, Allah s'en occupera. Nous, on s'occupe de ce qui est apparent. Et les cœurs, donc la science des cœurs, c'est celui qui les a créés. Et donc viendra l'explication de cela par la parole d'Allah. سيأتي تفسير هذا العنوان. Donc l'explication de ce titre. لا باقي كلام هنا. لا شوف. قال وتفسيرها. هنا. لا. والحديث. اي نعم اقرا هذه العباره وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب Donc explication de ce qu'on vient de lire ce qui se viendra par la suite dans les chapitres suivants يعني ceci donc هذه الابواب السته اللي خذيناها الان Donc ces six chapitres que nous avons vus هذه جرعة قوية في معرفة التوحيد. C'est une chose très importante dans la connaissance de l'unicité. ما بعدها من الأبواب. Ce qui suit dans parmi les chapitres. الشيخ ذكر في كتابه 67 باب. Et le Sheikh a mentionné dans son livre 67 chapitres. أخذنا الآن خمسة أبواب أو ستة تقريبا. On a fait 5 ou 6. هذه الأبواب. Donc ces chapitres-là. فيها مقدمة. Sur comme une introduction. في علم العقيدة والتوحيد. Donc dans la science de la croyance et de l'unicité. سيبدأ تفسيرها. Donc il va commencer à l'expliquer. بضدها. Par leur opposé. ويبين بعض الأشياء. Et il montrera certaines choses. الشركية. Qui relèvent du polythéisme. التي وقع فيها. Dans lesquelles sont tombées. بعض الناس. Certaines personnes. في تفصيلات. Donc il y a des précisions. ستأتي معنا. On va voir maintenant. يعني الآن أصبح عندكم جرعة. Donc maintenant vous avez une grande partie, une grande chance, une grande force. Là. Le muscle. J'ai toujours la haga de tatayim. Hukna. Hibra injection. Ma yaton hum hibra. Haga de tatafil. Injection. Notre chai. هذا شو اسمها؟ لا ليس انجكشن. دوز. نعم دوز. نعم. ايش معناها؟ معناها حصانة. حصانة. ايوه. دوز لا تعطيهم قوة. نعم. ففرق. ولا دي باجاج ولا دي باجاج. ها هذه جرعة. دونك سي كوم دي باجاج بور فو بور فو بور افوار دي كوا ريبوندر. إذا حافظت عليها. سي تو تي بريزيرف. تبقى عندك مناعة. Donc tu auras des choses pour t'en préserver, tu auras des choses pour lesquelles pour t'en répondre. ويستمر أثر الجرعة. Et ces bagages, les traces de ces bagages continueront. بمعرفة. Pour connaître. أمور في العقيدة. Des choses dans la croyance. وهي هذه التي ستنستعرضها إن شاء الله. Et c'est les choses qu'on va voir maintenant إن شاء الله. ونبدأ. Chapitre 6. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنا كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هنا ممسكة رحمتي كل حسبي الله ممسكات رحمتي كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Donc le chapitre 6 fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser Allah le Très-Haut dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Babun, chapitre, min al-shirk, fait partie du polythéisme. هنا الآن بدأ التفصيل. Donc c'est maintenant qu'il va préciser. أي من أنواع الشرك. Donc parmi les formes du polythéisme. لبس. Donc le fait de porter. الحلقة. Donc un anneau. هذه. Donc cette chose là. المقدمة مقدمة جميلة. Donc c'est une bonne introduction. لماذا الشيخ بدأ بهذه الأشياء؟ Pourquoi le chef a commencé par ces choses là? لأنها موجودة في مجتمعه. Parce qu'elle était disponible à son époque, elle existait à son époque dans la société dans laquelle il vivait. تذكرون أني قلت لكم أن الشيخ ألف هذا الكتاب للدعوة إلى الله. Vous vous rappelez que le chef a écrit ce livre pour rappeler Allah. الأشياء الموجودة كانت. Donc les choses qui étaient présentes dans la société à cette époque. يناقشوها. Il les discutait, il débattait avec eux. فلبس الحلقة. Donc le fait de porter un anneau. والخيط. Et le fil. الحلقة غالبا معدن. رينج. Donc là, ouais, la halaqa, l'argent, c'est un rond, c'est un cercle. Imma nuhas. Nuhas. Donc des bagues, des bracelets, pardon. Ou hadith. De fer, bracelet en fer. Ou ayy shay min hadhihi al-ashya lati taj'al halaqa. Donc toute chose qui sert, qu'on compte sur ce cercle comme bracelet. Ou khayt. Ou un fil. Ou khayt anwa'. Et les fils sont de nombreuses sortes. Souf. Donc du coton. Coton. لا الصوف غير القطن لن لن انت الان لن لن في روبي مصنع الصوف اليست روبي مدينه الصوف صحيح. ها صحيح. شو اسم الصوف بالفرنسي لن لن ها لن لن لن اما ان يكون الخيط من لن اها او من قطن بالقطن او حرير دسوا او شعر بالشباب أو أي شيء من هذه الألياف. Toute chose qui ressemble à ça. هذا الخيط. Donc ce fil. أو هذه الحلقة. Ou cet anneau. يعتقدون فيها. Donc ils ont des croyances dans ces choses-là. أنها. يعتقدون فيها أنها ترفع الشر الذي وقع. Donc ils pensent que ces anneaux les préservent du mal dans lequel ils sont tombés. أو تدفع الشر ألا يقع. Qu'ils repoussent un bien qui de sorte qu'il ne vienne pas. فظن أنه هذه الحلقة donc il pense que cet anneau تمنع الشر empêche le mal de venir أو تأخذ الشر منه ou tu fais sortir le mal de soi وهذه عقيدة et ça c'est une croyance التفات لغير الله donc le fait de s'en remettre à autre والتوكل le fait de s'en remettre à autre على هذه الخيوط le fait de s'en remettre à ces fils والحلقات et à ces anneaux فيجعلونها donc ils s'en servent في أيديهم les mettent dans leurs mains هكذا dans les poignets de cette façon là ويعتقدون فيها ils pensent que أنها تنفع que ça leur sera utile أو أنها تضر et que ça peut leur être maléfique فيمشي وفيه il marche et il a à son niveau de son poignet تميمة une amulette رقية qui le protège تعويذة qui se préserve du mal بعد ما أسمعها ما أسمعها ما أسمعها quels sont ses noms حلقة anneau خيط خيط un fil تميمة أميلات ها رقية رقية وبعد هناك من يسمونها حجاب أبوال هذه الحلقة تجعل حلقة ويجعل هنا يديروا فيها هكذا يقول هذا قرآن الميدايو هكذا يفعلونها بخيط ويربطونها يعلقونها على الصغار. أو في الأيدي هنا. أو هنا. أو على البطن. ويظن فيها ظنون. تمنع العين. تمنع الأرواح الشريرة. تجعله في سلامة. سمعتم بهذا أو ما سمعتم؟ سمعتم أو رأيتم؟ vous avez entendu ou entendu ou vu؟ ومارست؟ vous avez pratiqué؟ ممكن. peut-être. ممكن بعض الناس. peut-être certaines personnes. هذا يناقض التوحيد. ça c'est annule l'unicité. انظروا الآية. donc regardez ce verset. أعيد قراءتها. هنا أعيد قراءتها هنا. Là, bah, dit, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Avez-vous entendu ce verset? La signification de ce verset? لكن هذا يقال معنى الآية. أبي أطرد إلى signification أو signification du verset. أو ترجمة المعنى. ou l'interprétation du verset. لأن بعض الناس يقول قال الله تعالى. parce que certaines personnes disent Allah a dit. ثم يتكلم بلغته. et il parle dans sa langue. لا. إنما يقول. ça va pas. mais il doit dire. معنى قوله تعالى. il doit dire dans le sens du verset. أو ترجمة لقوله تعالى. traduction dans le sens du verset. هذا صحيح. أما يقول قال الله تعالى. mais s'il dit Allah a dit. فيقولها بالعربي. et il doit le dire en arabe. ثم يفسرها بمعناها. et après il explique dans son sens. il explique son sens. فهذا الكلام الفرنساوي الذي أنت تكلمت به. donc les paroles françaises que je viens de dire. هذا معنى الآية وليس الآية. c'est le sens du verset et pas le verset. وهذا تنبيه لطلبة العلم. ça c'est une précision pour les. ولخطباء الجمعة. c'est pour ceux aussi qui font le jumu'ah. ولمن يتكلمون في الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة. ceux qui parlent aux gens qui fassent attention. فلا يقول قال الله تعالى. ils ne disent pas Allah a dit. إنما يقول ترجمة قوله تعالى. ils disent c'est la traduction de la parole d'Allah. طيب. هذه الآية سمعتوها. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. إن أراد ينهي الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper son mal? لماذا استشهد المؤلف بهذه الآية في الرقى والتمائم؟ pourquoi l'auteur du livre s'est servi de ce verset contre les amulettes? الذي يعرف الجواب يرفع يده. celui qui connaît la réponse lève la main. نعم. سمعت الآية؟ ها كلامك صحيح لكن فسر لي في الآية هنا تدعون من دون الله هل هن كاشفات ضره؟ si Allah m'ouvre du mal est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal؟ أيوة أحسنت تكلم بالفرنسي تعرف فرنسي؟ أنا بدلت الثوب مالك نصيب ثوب خاوي لك هدية إن شاء الله إن شاء الله العصر نعم كلامه صحيح لأنه ظن أنها تدفع الضر donc il pense que ces amulettes repoussent le mal كل شيء toute chose كل شيء toute chose ظننت à laquelle tu penses أنه يجلب الخير qu'il ramène le bien أو يدفع الشر ou qu'il rejette le mal دون الله autre qu'Allah فهذا وقوع في الشرك. ça c'est tombé dans le polythéisme. بمعنى آخر. dans une autre manière. اتخاذ ما ليس سبب. de prendre une chose qui n'est pas une cause. شرعا أو قدرا. que ce soit religieusement ou par décret. سببا. une cause. يكون من الشرك. ça fait partie du polythéisme. ما معنى هذا الكلام؟ quelle est la signification de cette parole؟ معنى. sa signification. أن من ارتقى الرقية الصحيحة donc celui qui fait une رقية véridique الدليل شرعا ورد donc il a été rapporté dans notre religion que c'est valable فيه دليل ولا ما فيه دليل est-ce qu'il y a une religion preuve ou pas ها فيه أدلة مثل الحديث اللي مر بنا بالأمس celui le hadith qu'on a vu hier لا رقية إلا من عين أو حمى هي نفسها الحمى هي نعم Donc le hadith qu'on a vu hier au sujet du fait que la ruqya est autorisée pour la fièvre. La ruqya illa min 'aynin aw huma. Et contre le mauvais œil. Idan hunak jawaz ar-ruqya. Donc ici on a une preuve que la ruqya est autorisée. ولكن الخيوط par contre ces fils والحلق et ces anneaux ليس فيها دليل. Il n'y a pas de preuve. Aw qadran ou par décret. وهي العلاجات. Et ça ce sont les علاجات. مثل الرقية العلاج لغوميد هذه علاجات ce sont des remèdes مثال par exemple تطعيم donc les الصغير ما يعطونه تطعيم جرعة ضد الحصبة ضد ضد الجدري les piqûres ضد ضد الكولوريا les piqûres ضد الحمى والطاعون les piqûres les vaccins هذه الجرعة donc ces piqûres هذه محمول بها on les utilise هل فيها دليل؟ est-ce qu'il y a une preuve؟ نعم. oui. تداووا عباد الله. donc soignez-vous. نعم. دائما له دواء. il n'y a pas un mal sans qu'il y ait son médicament. ولكن هذه الحلق والخيوط par contre ces fils et ces anneaux الادله في منعها donc les preuves au contraire sont là pour l'interdire فترك الناس الجائز donc les gens ont laissé ce qui est autorisé وقعوا في الطريق الشرك et ils sont tombés dans le polythéisme هذا معنى ما اتخذ ما ليس سببا donc c'est le fait de prendre une chose qui n'est pas une cause valable لان في اشياء car certaines choses يقول لك اربط خيط il te dit mets un fil تصبح مرتاح. Tu vas être apaisé. يكون؟ Est-ce que c'est possible? أبدا. Jamais. لكن يأتيك شخص ويقول لك هذه حبة. Il y a par contre une personne qui vient qui te donne une حبة. Un comprimé. تبلة. تمام. أسبرين. Un comprimé d'aspirine. معك راسك يؤلمك. Et t'as mal à la tête. يقول هذه حطها في بطنك راسك يسلم. Il te dit mets-la sur ton ventre et ta tête ira mieux. صحيح؟ Oui ou non? نعم إلا صحيح صحيح علاج c'est un remède وهذا et ceci تجربة c'est par expérience قدرا par décret ولذلك الطب donc c'est pour ça que les médecins la médecine نحترم نتائجه nous respectons leurs études leurs travaux وأما الشعوذة par contre les sorciers لا نحترمها nous ne les respectons pas لأنها شعوذة parce que ce sont les sorciers وأما العلاج لا par contre le fait de se soigner non هذا علاج ça c'est un remède حط حبتين في بطنك راسك يسلم. donc mets deux comprimés sur ton ventre. كلها. ou avaler. بسم الله. بسم الله. تقع في بطنك. donc ça viendra dans ton ventre. راسك يذهب الصداع بإذن الله. inshallah tu n'auras plus mal à la tête. والألم يخف. هذا علاج. donc ça c'est un remède. ذكرنا لكم شرعا أو قدرا. donc nous avons parlé donc شرعا donc par religion ou قدر par décret. من أكل سبعة تمرات في صباحه. donc celui qui a mangé sept dattes le matin. ما يضره شيء حتى يمسي. donc il n'aura rien jusqu'à ce qu'il arrive le soir. هذا سبب شرعي. ça c'est une cause religieuse. من دل عليه؟ qu'est-ce qui a ramené à ça? qu'est-ce qui prouve cela? رسول الله صلى الله عليه وسلم. le prophète صلى الله عليه وسلم. وهكذا. et comme ça pour les choses. إذن عندنا علاجات شرعية. donc on a des remèdes religieux. وعندنا علاجات طبية. on a des remèdes médicaux. وعندنا خرافات وشعوذة. et on a des égarements des sorciers. فالخرافات والشعوذة لا. donc les avances sur les sorciers non. وأما العلاجات الطبية. par contre les remèdes médicaux. والرقى الشرعية الآية والحديث أرقي نفسك أما خيوط وحبال وشعوذة وهذه الأشياء هذه تقع في هذا لأنه يظن أنها تنفع وتضر أيها لا تنفع ولا تضر حتى العلاجات حتى الأدوية بإذن الله ليس بذاتها Non en elle-même. C'est une cause et tu te remets à Allah. أنا راسي يؤلمني. Ma tête me fait mal. كمان راسي يؤلمه. Ma tête me fait mal. أخذنا حبتين هو أخذ حبتين. J'ai pris deux comprimés lui deux. هو بارئ وأنا لا يزال راسي يؤلمني. Moi j'ai guéri lui non. صحيح؟ Oui ou non. Hein? ممكن. C'est possible. فالمعافي والمشافي. Celui qui guérit, celui qui apaise. هو الله. C'est Allah. ليس الدواء. C'est pas le médicament. هو سبب. C'est une cause. وإذا مرضت فهو يشفي. Et si je suis malade, c'est lui qui me guérit. واضحة؟ Est-ce que c'est clair? عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا يزدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك فما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتال قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Imran bin Hussein qu'Allah l'a dit rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. Il lui demanda qu'est-ce que cela? L'homme répondit c'est contre la faiblesse. Le prophète lui dit alors débarrasse-t'en car cela ne t'apportera que sur plus de faiblesse. Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Rapporté par Ahmed avec une chaîne de rapporteurs ne présentant pas de défaut. L'imam Ahmed rapporte aussi que d'après Uqba ibn Amr qui attribue les paroles suivantes au prophète quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Dans une autre version du hadith, il est dit, Quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. Ibn Abi Hatim rapporte que Hudayfa, qu'à l'agré, vit un homme porté au poignet un fil censé le protéger contre la fièvre. Hudayfa lui arracha et récita la parole d'Allah, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc ça, c'est ce qui concerne les ta'alluqat, voilà, tout ce qui concerne les amulettes. والتعلق بغير الله. Donc le fait de s'accrocher à autre qu'Allah. ويكفينا حديث من تعلق تميمة فقد أشرك. Il ne suffit de celui qui s'accroche à une amulette, il aura commis du polythéisme. هذا حكم. Ça c'est le statut de celui qui met une amulette, qui s'attache à celle-là. هذا كله يدور حول الأسباب. Donc toutes ces choses-là tournent autour des causes. وسأفصل لكم. Et je vais vous préciser. مسألة. Le sujet. علاقة الإنسان بالأسباب. Donc le fait de s'attacher le fait que les hommes s'attachent aux choses, واحد. Aux causes, premièrement. واحد. Premièrement. الاعتماد على الأسباب. Donc le fait de se remettre aux causes. اثنين. Deuxièmement. ترك الأسباب. Délaisser la cause. ثلاثة. Troisièmement. الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. Donc le fait de faire les causes et se remettre à Allah. أعيد. Je répète. الأول. Première chose. الاعتماد على الأسباب. Le fait de se remettre à la cause. هذا شرك. Ça c'est du polythéisme. ترك الأسباب. Deuxièmement, le fait de délaisser la cause. خلل في التوحيد. Ça c'est un manque dans l'unicité. خلل في التوحيد. C'est un manque dans l'unicité. الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. Le fait de prendre les causes et de se remettre à Allah. حقيقة العبودية. Ça c'est vraiment adorer Allah. إذن كم نوع عندنا؟ Combien de formes avons-nous? ثلاثة. Trois. فالذي ترك الأسباب بالكلية. Donc celui qui délaisse les causes de façon absolue. هذا خلل في التوحيد. Donc il y a un manque dans l'unicité. لا بد أن تأخذ بها. Tu dois prendre les causes. ولذلك. Pour cette de cette façon, c'est pour cela. بعض الصحابة. Certains compagnons. حديث عهد بإسلام. Qui était nouveau dans l'islam. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sont venus au prophète صلى الله عليه وسلم. وجعلوا إبلهم في الوادي. Ils ont mis leur chameau à côté d'un cours d'eau. الجمال جعلوها في الوادي ولم يعقلوها فهي لها مثل الباركينج اذا ربطتها خلاص لا تتجاوز مكانها ويعقلونها او وهي باركه يربطون اقدامها فلما اتوا رسول الله فقال لهم عقلوها اتشيلا قالوا نحن متوكلون nous remettons à Allah ils ont répondu après que le prophète leur a dit attachez là ils ont dit nous remettons à Allah هل تعلمون ماذا قال لهم رسول الله savez-vous ce que le prophète a dit اعقلها il leur a dit attachez là وتوكل et remets-toi à Allah اعقلها attache là خذ بالاسباب fais les causes واعتمد على الله et après remets-toi à Allah لان بعضهم يعقلها وتفك عقالها وتهرب Parce que certains l'attachent, mais il se peut que ça se détache et elle part. ولكن أنت أعقلها. Et si tu l'attaches. وتوكل على الله. Et tu te remets à Allah. إذن هذا هو الطريق الصحيح. Ça c'est la bonne voie. أما الاعتماد على الأسباب بالكلية. Et le fait de te remettre en cause uniquement. فهذا شرك. Ça se fait partie du polythéisme. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة بالشرك رواه أحمد أبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم لمسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خال من الشرك فقد رخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى أحمد عن رفيع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيتها أو تقلد وترا أو استنجى براجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc chapitre 7, concernant les formules de conjuration, al-rufa et les amulettes, tamayl. Dans le recueil de hadith authentique, Abu Bashir al-Ansari rapporte qu'il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages, lorsque ce dernier envoyait une personne ordonner aux gens de couper tous les colliers ou les boyaux accrochés au cou des chameaux. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, a dit, j'ai entendu le prophète dire les formules de conjuration, ce qu'on appelle al-rufa, les amulettes et at-tiwala sont une forme de polythéisme, rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Abdullah ibn Hukaym rapporte que ces paroles qu'il attribue au prophète, quiconque s'attache à une chose, il sera voué et sera délaissé par Allah. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi, les amulettes sont une chose que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger du mauvais œil. Cependant, si l'élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs l'ont toléré. D'autres ne l'ont pas toléré et l'ont classé parmi les interdits, comme par exemple Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré. Les formules de conjugation, il s'agit de ce que l'on appelle al-azaim. Cependant, les textes font exception de celles d'entre elles qui ne comportent pas de polythéisme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré celles qui protégeaient du mauvais œil et du venin. Et at-tiwala, il s'agit d'une chose que les gens fabriquent en prétendant qu'elle suscite l'amour du mari pour son épouse et réciproquement. Ahmed rapporte que Rouéfer a dit, le prophète m'a dit, oh Rouéfer, peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens que celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil ou se nettoie après un besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Mohammed le désavoue. Sa'ed ibn Jubair a dit, celui qui arrache l'amulette, Tamima, du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave, rapporté par Waqir. Waqir rapporte aussi d'après Ibrahim, il considérait comme détestable les allumettes, qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. هذا فيه تفصيل أكثر. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. Donc le chapitre donc concernant les formules de conjuration et les amulettes. ما الفرق بين عنوان هذا الباب والباب اللي قبله؟ Quelle est la différence entre ce titre-là et le titre précédent؟ شوفوا كتبكم. Regardez vos livres. شوفوا. شوفوا شو الفرق بين الأول والثاني؟ Quelle est la différence entre ce titre-là et le précédent؟ الباب الأول قال باب من الشرك. Donc le premier a dit bah fait partie du polythéisme. الحلق. Donc les anneaux, الرقى, الخيوط, donc les fils, etc. وهنا قال باب ما جاء. Et ici il dit concernant les formules. أي باب ما جاء فيما يجوز وما لا يجوز. Donc là dans ce qui est autorisé, ce qui est pas autorisé. إذن اختيار الباب دقيق جدا. Donc c'est le fait, c'est une précision. Il a choisi de ce titre-là d'une façon très précise. ويقال في الشيخ محمد الله يرحمه. Et dit Cheikh Mohammed, voilà, notre ami. إن اختياره في التبويب. Donc comment il choisit ces chapitres? كالبخاري. Comme à l'époque de Bukhari. لماذا؟ لأن فقهه في التبويب. Parce qu'il était très savant dans la façon de mettre les chapitres. هو يورد أدلة. Il ramène les preuves. ليس له في ذلك إلا الترتيب. Il y a juste qu'il se coordonne. لكن اللطيفة والفائدة هنا في العنوان. Mais le jus, le sucre dans tout ça, c'est le titre. العنوان الأول. Le premier titre. من الشرك وهنا باب ما جاء. Le premier titre très petit fait partie du chiffre, le deuxième ce concernant ces formules. إذن يا طالب العلم. Donc ceux qui demandent la science. انتبه. Sois attentif. لكتابات العلماء. Comment les savants écrivent. فإنهم يكتبون بعلم. Parce qu'ils écrivent avec science. ويعرفون ماذا يكتبون. Ils savent ce qu'ils écrivent. فانتبه. Sois attentif. أن تكون تفسيراتك. Est-ce que ce soit ton explication. بخلاف مرادات المؤلفين. Contraire à ce que l'auteur a voulu que tu saches. وبسبب هذا. Et à cause de ça. يقع التفسيرات الخاطئة. Et ça devient, il y aura des mauvaises explications. باب. Donc là, chapitre. ما جاء. إذن في شيء جائز وفي شيء غير جائز. Donc concernant les formules de conjugation, donc certaines choses sont autorisées, d'autres non. ترقي نفسك جائز. Donc le fait de se faire ruqya à soi-même, c'est autorisé. ترقي غيرك جائز. Le fait de faire ruqya à autre que soi, c'est autorisé. وهو مكروه أن يطلبها من غيره. Et c'est le fait, c'est détestable de demander à autre que soi. لحديث 70,000. Conformément au hadith des 70,000 qui entreront au paradis sans faute. عندنا مسألة مهمة. Donc on a une chose importante ici. هي أحكام الرقى. Donc les règles concernant la ruqya. أشرحها لكم. Je vous explique. طبعا. ما يتعلق بالمكتوب والحلق والخيط تكلمنا عنه. Donc ce qui concerne les médaillons, les fils, etc. on a discuté. إذن الجائز القراءة. Donc ce qui est autorisé c'est la lecture. انا رقيت اخي دون ان يطلب مني ان ترقيه. Donc j'ai fait rouquer à une personne sans qu'il me le demande que je le fasse. لا شيء عليه. Et je n'ai rien. انا رقيت نفسي. Moi j'ai fait ma propre j'ai fait une rouquer sur ma propre personne. لا شيء عليه. Il n'y a rien de mal. اتاني اخي وقال ترقي فلان. Et une personne est venue me voir et m'a dit fais rouquer à telle personne. ورقيت انا فلان. Et je lui ai fait. لا شيء عليه. Je n'ai rien. ولكن كونه هو يطلبها ويبحث لهذا وهذا وهذا يجوز لكن لا يكون في 70,000 تبهتم؟ بعضهم يظن أنه لا يجوز طلب الرقية طلب الرقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ولكني أخاف من كثير من الرقاه اليوم. Moi personnellement, je crains personnellement de beaucoup de personnes qui font ruqyah. عامة الرقاه جهلة. La majorité de ceux qui font ruqyah sont des ignorants. إلا ما رحم ربي. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. يتلاعبون. Ils s'amusent avec les gens. بأموال الناس. Avec l'argent des gens. وبالنساء. Avec les femmes. وهذا واقع. Et ça arrive, malheureusement. ولا ينبغي لمثل هؤلاء. Et il ne leur est pas autorisé ces choses-là. De pratiquer ces choses-là. ارقي نفسك. Donc fais toi-même ta ruqya. ارقي أولادك. Fais pour ruqya tes enfants. ارقي أهلك. À ta famille. هل هذا قارئ؟ Est-ce que c'est un récitateur? سيكون قلبه أقوى خشوعا وحضورا وتضرعا لله. منك أنت يا صاحب الحاجة؟ Est-ce que son cœur pour toi, pour tu penses qu'il sera plus craintif que toi qui en a besoin cette chose-là? ثم إن الراقي في الأصل. Donc celui qui fait ruqya à la base. الراقي في الأصل. Donc celui qui fait ruqya. داعي. داعي. يدعو لك. نعم. Il fait, il l'invoque pour toi. ليس جزما لزما. Ce n'est pas une certitude. بعض الرقاه اليوم. Certaines personnes qui font ruqya aujourd'hui. يشخص. يعطيك نتيجة. Ah, il te donne un résultat. Le premier résultat. أيه؟ ديغوستي؟ يعني؟ تشخيص. شكرا سيدي دياتي. شنقيطي. طيب. مثل ما قال سيدي دياتي. في عملية التشخيص. وهذه هي وظيفة الأطباء. وليست وظيفة الرقاة. بل لا نقبلها من الطبيب. Mais nous n'acceptons pas des docteurs. إلا. Sauf. بعد. Après. تحليل الدم. Avoir l'analyse de sang. وفحص الأشعة. أشعة السينار. السينار. La radio. La radio. وأيضا أشعة مغناطيسية. ماجنت. L'IRM. ثم. نسأل الطبيب هل مر بك هذه الحالة؟ Et après nous demandons au docteur est-ce que tu as déjà connu ça؟ وأنت يا طبيب ما تخصصك؟ Et toi ton docteur est-ce que tu es spécialiste؟ هل أنت أخصائي أو عام أو استشاري؟ Est-ce que tu es docteur général ou spécialiste؟ هل سبق أن عالجت حالات مماثلة؟ Est-ce que tu as déjà réglé ce genre de problème؟ Est-ce que tu as déjà soigné ce genre de maladie؟ بعد ذلك. Après cela. يعطينا الدكتور. Le docteur nous donne. النتيجة. Donc le résultat de son بعد مقدمات من التشخيص. Après le diagnostic. اليوم. Aujourd'hui. يأتي. Une personne vient. ويقرأ. Et il lit. أنت فيك سحر. Tu vois dans toi tu es possédé. Tu as un sihr. أنت سحرك جني. Et ton sihr est un djinn. أنت أصابتك عين جني بحري. Et c'est un djinn de la mer qui t'a atteint. أنت كذا أنت كذا. Tu es comme ça, tu es comme ça. موجود ولا لا؟ Il y en a ou pas؟ هل هذا يعلم الغيب؟ Est-ce qu'il connaît l'invisible؟ Est-ce qu'il connaît l'invisible؟ أبدا. Jamais. من أنت؟ Qui es-tu؟ في هذه القراءة. Donc pour cette أنا ممارس مرت علي تجارب كثيرة. Moi j'ai pratiqué, j'ai connu, j'ai beaucoup d'expérience. والرسول صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم. لما أتته امرأة. Quand une personne, une femme lui est venue. قال فيها سفعة. يعني أصابها جن. Donc elle a été atteinte par un djinn. رسول الله يتكلم بوحي. Le prophète parle avec la révélation. وأنت بما؟ Et toi, par quoi tu parles؟ بظن. Par des suppositions. ثم هذا المسكين الذي قلت له أنت مسحور. Et ce mesquin là qui tu as dit qu'il était possédé, qu'il était atteint d'un mauvais œil. قتلته. Tu l'as tué. ذبحته. Tu l'as tué. أصبح يظن أنه مسحور. Il pense maintenant qu'il est possédé. Et peut-être qu'il ne l'est pas. Il a peut-être des problèmes psychologiques. Il a peut-être effectivement atteint par un mauvais œil. Le mal existe. ولكن الناس بحاجة إلى تطمين. Les gens ont besoin. الناس بحاجة إلى تسكين النفوس. Les gens ont besoin d'être apaisés. وليس أن يعيش في خيالات إرهابية. Il doit pas être pensé dans idées bizarres. وربما يقول له أنت مسحور من قريب. Il lui dit peut-être tu es possédé depuis peu. فيبدأ يشك في أقاربه. Il commence à douter autour de sa famille. واقع ولا مش واقع؟ Ça arrive ou pas? موجود ولا مش موجود؟ سأعرف ولا لا؟ سأعيش ولا لا؟ هؤلاء الرقاة. Ces gens-là, c'est ceux qui font, ceux qui prétendent faire rien. لو أمرهم بيدي. Si c'était moi qui détenais l'ordre. لمنعتهم وأدبته. Si je leur ai interdit de faire ça, je les aurais corrigés. وهم سبب في إضعاف عقيدة الناس. Ils sont la cause de la faiblesse, d'avoir rendu la croyance des gens faible. فاللجوء إلى الله. Le fait, il faut revenir à Allah. أخبركم ببعض الأشياء. Je vous informe de certaines choses. بعضهم يقول. Certaines personnes d'entre elles disent. لا تذهب إلى فلان. Ne va pas chez telle personne. اذهب إلى فلان. Va plutôt chez telle autre. قراءته. Il a une bonne récitation. يأتون فلان. Donc ils vont chez cette personne. عنده قراءة خاصة. Il a une récitation particulière. عنده قراءة عامة. Il a une récitation générale. عنده قراءة بمبلغ معين. Il a une récitation en échange d'une somme particulière. ومعها أدوية. Il a des médicaments. الماء الذي بأورو. L'argent qui coûte 1 euro. قراءته القرآن فيه بعشرة أورو. Et le lit, il le vend avec à 10 euros après avoir lu le Coran dedans. بصقته قالية. Son crash coûte cher. Son souffle coûte cher. يبيعها. Question, il le vend. أم يقتاتون بكتاب الله. Ou ils vendent la parole d'Allah. أنا أحذر. Moi, je mets en garde من هؤلاء القراء. De ces personnes-là. إلا ما رحم ربي. Sauf ceux qui Allah fait miséricorde. وقليل ما. Et ils sont très peu. أغلبهم مرتزقة. أغلبهم أصحاب تجارة. Donc la majorité d'entre eux, ceux qui demandent, ils font ça pour l'argent. يريد بذلك المال. Ils font ça pour l'argent. فقط. Uniquement. فاحذروهم. Faites attention à eux. القرآن الذي هم يقرؤونه. Le Coran qu'ils lisent. وبين أيدينا. Il est entre nos mains. وفي صدورنا. Dans nos poitrines. اقرأوا على أنفسكم. Lisez sur vous-même. اقرأوا على أولادكم. Lisez sur vos enfants. اقرأوا على أهليكم. Lisez sur vos familles. ليس خضوع أولئك وخشوعهم أكثر من حاجتك أنت بين يدي ربك. Leur crainte, etc. n'est pas plus supérieure à la vôtre qui est dans ce besoin-là. إذن هذا فيما يتعلق بالرقى. This is concerning the prayer. والصحيح أن القراءة القرآن فقط. Il est rapporté que l'authentique dans cette chose-là, c'est que c'est la récitation du Coran. فالنهي عام. Et l'interdiction est générale. ومن خصص الكتابة. Et celui qui précise une écriture. فلا بد من دليل. Il doit avoir une preuve. وقول ابن مسعود واضح. Et la parole d'Ibn Mas'ud est claire. في المنع. Dans l'interdiction. ثم إن القراءة المكتوبة هذه. Donc c'est ce qu'on écrit. والمعلقة عليه. Et ce qu'on attache sur nous, nos médaillons. إهانة لها. Et ça c'est ce fait de diminuer la valeur de. فالنجاسة. Donc les impuretés. والجنابة. Le fait qu'on est un génère et ces choses-là. فيبقى العموم على المنع. Donc en général, c'est l'interdiction qui prévaut. ومن استثنى بالخصوص. Et celui qui prétend une spécificité. نقول عطل الدليل. Nous lui disons ramener une preuve. ولا الدليل. Et il n'a pas de preuve. فيبقى النهي عام في الكتاب. Donc l'interdiction est générale. ويبقى القراءة الجائزة. Et il faut juste se contenter de la lecture. ولذلك كانوا ماذا يفعلون؟ Donc que faisaient-ils? يصنعون بقطع الرقى. Donc ils faisaient des يقطعها إذا وجدوا خيطا كذا. Quand ils voyaient ça, ils enlevaient ces choses, ces amulettes. ولا يسألون ما هي وما نوعها. Et ils ne demandaient pas de comment elles étaient. أذكر لكم حادثة حدثت لي أنا. Il va vous raconter une histoire qui lui arrivait. كنت أطوف. Donc il tournait autour de la Kaaba. في العمرة. Pendant la عمرة. وكان رجل. Donc il y avait un homme. من بلاد العجم. Donc d'un pays étranger. الهند أو بنغلاديش أو هكذا. الهند أو بنغلاديش. وأنا عندي قليل من اللغة الأردية. Donc il parle, le chef parle un peu l'ordou, la langue de l'Inde. فكنا نطوف. Donc nous faisons tawaf. وإذا به عليه الإحرام. Donc il avait sur lui l'ihram, لباس الإحرام. وكانت يده. Et c'est donc son bras. جاعل فيها هذه التميمة هنا. Donc il avait mis une amulette autour de son bras. ويطوف. Et il faisait tawaf. وكان معي أهلي. Donc ma famille était avec moi. فقلت يا الله. Je dis à Allah. هذا يطوف حول بيت الله. Lui il tourne autour de la Kaaba. وهو متعلق بهذا الخيط في يده. s'accroche à ce fil. كيف أنصح؟ comment je le conseiller? كنا نطوف. donc nous faisons tawaf. فقربت منه. je suis approché de lui. فقلت له. je lui ai dit. ما هذه؟ qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est ça? فقال هذه. il m'a dit c'est ceci. تعويذة. c'est une protection. قلت من يعيدك هي أم الله؟ qui te préserve si ce n'est Allah? توقف قليل. il s'est arrêté. فقال الله. Il a dit Allah. قلت إذا لماذا تضعها؟ il a dit pourquoi tu la mets? قال أنا مريض. il a dit je suis malade. وإذا نزعتها. et si je l'enlève? أنا أسقط. je vais tomber. قلت أنت الآن حول الكعبة. là tu as dit tu es maintenant autour de la Kaaba. قريب من الله. tu es proche d'Allah. انزعها. enlève-la. فالله هو الذي يحفظك. et Allah celui qui te préserve. انزعها. enlève-la. يريد يبقيها. قلت انزعها. il voulait la laisser. il voulait enlève-la. enlève-la. فأخذ يده. il a pris sa main. وهو يرتعش. il était en train de trembler. خائف. il avait peur. ماذا سيحصل له؟ qu'est-ce qui va lui arriver؟ فنزعها. il l'a enlevé. وإذا به قائم. et il restait debout. قلت لم تسقط. il lui a dit tu n'es pas tombé. قال لم أسقط. je ne suis pas tombé. قلت لأن الله الذي يحفظك ليس هذه. oh c'est Allah qui te préserve c'est pas cette chose là. فرأى إلى الحلقة. قال خذها. هذه التعويذة. donc cette protection. في يده. dans sa main. قال خذها. il lui a dit prends-la. قلت لا لا حاجة لي بها. je dis je n'ai pas besoin de cette chose là. أنت تتلفها. and c'est toi qui t'en occuperas. فإن الله هو الذي يحفظك. c'est Allah qui te préserve. قال لي أهلي. ma famille m'a dit. خذها ربما يعود إليها. prends-la peut-être qu'il va recommencer. أتلفها. طيب. détruis-la. فكرة جيدة. et c'est une bonne idée. خلاص جيبها. donne-la-moi. هل سقط؟ est-ce qu'il est tombé? قال لا. non. قلت تشعر بتعب؟ est-ce que tu sens la fatigue؟ قال لا. non. قلت كنت مشرك قبل. tu étais un associateur juste avant. والآن تب إلى الله. et maintenant retourne à Allah de ce que tu viens de faire. لعل الله يقبل عمرك. en espérant qu'Allah accepte ton ta'amra. فذهب وهو فرح. il était content et heureux. بتوحيده الذي اكتسبه جديدا. d'unicité qu'il avait qu'il venait de récupérer de nouveau. فنبه. donc apprenez aux gens, apprenez. ربما تجدون. Oui, je peux vous trouver بعض الكبار أو الكبيرات des personnes âgées يتعلقون بذلك qui sont attachées à ce أما التولة للتحبيب parce que ce sont les tawala pour que deux personnes s'aiment الشعوذة هذه ça c'est des choses de sorciers اليوم كنا نمشي aujourd'hui nous étions en train de marcher مع الأخ مهدي avec le frère Mahdi السيارة ma voiture فلما عدنا لها lorsque nous y sommes revenus فإذا بهناك كرت على il y avait une carte sur le المساحة le pare-brise قال هل تعرف ما هذا؟ قال lui a dit qu'est-ce que tu sais ce que c'est؟ قلت لا. قلت il lui a dit non. قال هذا مشعوذ. ça c'est les sorciers. قلت كيف؟ comment ça؟ قال هو يضع كرته دعوة ويعرض خدماته. il met une carte comme vous connaissez tout le monde. il met une carte sur le pare-brise avec leur son numéro de téléphone avec les services qui. من ضمن خدماته هذه الأشياء. نعم. ها؟ هذا عندكم في روبي؟ نعم في فرنسا كلها. هذا يقول في فرنسا أنا رأيته في روبي. هم انتشر. لا في روبي اسمع طيب خلاص ما اقول روبي انا رايته هنا اين في روبي لكن لا بيسا روبي يعني موجود كان يس اكزيست بيان سور انتبه فيت اتونسيون الحمد لله يغفر الله لنا ولكم اذا انتبهوا فيت اتونسيون فالدعوه قائمه Donc la da'wa doit être toujours là. نبهوا نساءكم. Faites attention à vous. Apprenez, informez vos épouses. نبهوا أولادكم. Vos enfants. فمن أتى عرافا. Celui qui est parti par la تقبل له صلاة 40 يوم. Allah n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. ومن أتى عرافا. Et celui qui est parti par la devant. فصدقه. Et il croit en ce qu'il dit. لقد كفر بما أنزل على. Il a mécru à ce qui est descendu sur Mohammed صلى الله عليه وسلم. انتبهوا منه. Faites attention à ces gens-là. صلى الله وسلم على محمد. صلى الله وسلم على محمد. بعد العصر بعد العصر قبل العصر ان شاء الله ان شاء الله يكون الدرس لوك الدرس هو ويكون الاجابه على الاسئله يو هادي كيسيون ريبونس المكتوبه بالعربي اكريت اون عربي الاسئله المكتوبه بالعربي لوك لي كيسيون اكريت اون عربي وساستعرضها جميعا جي فوندرا توت ان شاء الله واجيب عليها كلها ان شاء الله جي فوندرا توت لي كيسيون بمشيئه الله اطالب بمشيئه الله وليس هناك بعد المغرب درس اليوم. il n'y aura pas de dans après le maghrib aujourd'hui. أم يكون؟ ou y en a est-ce que vous voulez qu'on ait؟ تريدون؟ نعم. سننظر. On verra. إن استطعنا أن نجيب على كل الأسئلة. سأجيب على كل الأسئلة. خلاص. خلاص. وإذا لا نستطيع. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions. نمدد في الوقت. On prolongera le temps. ولكن تقريبا 95% لن يكون بعد المغرب. Mais il y aura 95% de chances que ce ne sera pas possible après le maghrib. السلام عليكم ورحمة الله. Il y en a 50 de téléphone, c'est lequel? C'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Salam ولا نبدأ؟ نبدأ سؤال كثير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تجدد هذا اللقاء، ووعدنا بالإجابة على ما نستطيع الجواب عليه من الأسئلة المعروضة، وعلى بركة الله نبدأ. Donc inchallah, on va commencer à répondre aux questions qui ont été posées en fonction de ses capacités. On le sait. القراءة يعني والعربية متعود بها. الشيخ عبد الواحد. إن شاء الله ماشاء الله متعود بها القراءة أحسن قراءة. نرغب في وجودك للترجمة للأسئلة، تسمح؟ شكرا. جزاك الله خير. وأتعرف على شو بسيط موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أرى الناس يصلون كلا على طريقته، أنا حيران لأنني لا أعرف هل طريقة صلاتي صحيحة أم خاطئة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. La question c'est une personne qui s'interroge sur le fait de voir beaucoup de personnes prier d'une manière différente. Au point qu'il est étonné, donc, et qu'il s'étonne, et il se pose la question, est-ce que la façon dont il prie, elle est correcte ou pas? هذا سؤال ممتاز. Cette question, elle est très très intéressante. والجواب عليه. Et la réponse en est سهل. Facile. تعلم. Apprends. كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ La manière dont le prophète صلى الله عليه وسلم priait. هذا ليس صعب. Ce n'est pas une chose qui est difficile. فكتب السنة. Les livres de la Sunna. دونت ذلك. On écrit tout cela. وهناك بعض العلماء certains savants ألفوا في ذلك كتب ils ont écrit des livres dans cela كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم la manière dont le prophète صلى الله عليه وسلم priait فإذا تعلمت ذلك si tu apprends cela علمت الفعل الصحيح tu vas apprendre la manière la plus correcte لا يشغلكم اللبس عن الدرس Il vous dit que il faut pas que vous soyez distrait dans la manière dont il est habillé. هناك كثير من الإخوة لا يستيقظون لصلاة الفجر. فما نصيحتكم؟ Beaucoup de personnes ne se lèvent pas pour la prière de Fajr. Quel conseil leur donner? هذا صحيح. هذا صحيح وموجود. Ça c'est vrai, c'est qu'il existe. بعض الشباب الله يهديهم certains jeunes qu'Allah les guide يسهرون ils dorment tard وتصبح صلاة الفجر ثقيلة du coup donc la prière de l'fajr devient quelque chose de très lourd pour eux بل بعضهم même certains ربما يقول الجماعة في المسجد يصلون بدري il dit que les, la prière en groupe à la mosquée elle se fait très tôt وهو لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس alors qu'il ne prie qu'une fois que le soleil est levé ما الأفضل c'est quoi le mieux تصلي في وقت هناك فيه قول وقول او انك تصلي بعد خروج الوقت tu pries à un moment où certains divergent donc à propos de cela ou bien tu pries après que l'heure elle est déjà passée ما رايكم quel est votre avis اذا انتبه واحرص على ان يصلي على الوقت واستعن بالله فان الله يعينك veille à prier à l'heure et implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aidera ما رأيكم في من ينتسب إلى السنة ويرد أقوال العلماء والمشايخ في جرحهم وتحذيرهم بحجة أنهم متشددون أو أنها مسائل اجتهادية Quel est votre avis concernant celui qui prétend appartenir à la sunna et il rejette les paroles des ulama et des shuyukh lorsqu'ils mettent en garde en avançant l'argument qu'ils sont durs ou bien ça c'est des choses qui relèvent de l'ijtihad. بما انك ذكرت انك تنتسب للسنه à partir du moment où tu as dit que tu appartiens aux gens de la sunna وتقول هؤلاء علماء السنه et que tu dis ces gens c'est des gens de la sunna فما الذي لا يجعلك تسمع كلام اهل العلم pourquoi tu n'entends pas donc tu n'écoutes pas la parole des ulama ان بعض الناس certaines personnes يتهم بعض العلماء بالشدة certains savants d'être dur وهو شديد على إخوانه alors qu'il est très dur envers ses frères يطلب منهم اللين il demande qu'il soit doux avec lui مع المخالفين avec les gens qui sont donc sur pas qui vont dans qui ne sont pas sur le droit chemin وهو شديد معهم لين مع المخالفين alors qu'il est tendre avec les gens qui suivent pas la sunna et qu'il est dur avec ses frères qui suivent la sunna إن إخوانك بلينك أحوج Tes frères ont plus besoin d'être doux avec eux que les autres. ما هي الوسيلة لتحقيق الإخلاص في طلب العلم والعمل به؟ بارك الله فيك. Quelle est la manière donc de concrétiser la sincérité dans le fait de demander le savoir et de le mettre en pratique? العمل. L'application. دع العلم إلى العمل. Le savoir appelle à l'application. فإن أجابه وإلا ارتحل. Ou bien donc il répond ou bien la science elle prend ses bagages et elle part. إخلاص النية في العلم. La sincérité dans l'intention d'apprendre l'ilm. العمل به. C'est le fait de le mettre en pratique. والدعوة إليه. Appeler à cela. والصبر. Et patienter et endurer. هل المسلم يعاقب عند الآخرة إذا لم يتعاون بعضهم بعض في كل المجال؟ هذا السؤال. Si est-ce que les musulmans vont être punis le jour de la résurrection s'ils ne s'entraident pas les uns les autres dans tous les domaines? الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله nous a recommandé donc de s'entraider dans les choses qui relèvent du bien et de ne pas s'entraider dans les choses qui relèvent de l'injustice. لا لا كل واحد نسمح له سؤال الله جيب لنا سؤال. أحسن الله إليكم. هناك كثير من الأئمة تركوا دراسة المتن كأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، فما نصيحتكم؟ beaucoup d'imams négligent l'enseignement des livres tels que l'usul al-thalatha ou al-qawa'id al-arba'a. Quel conseil leur donner? هذه الكتب طيبة. Ces livres sont très très intéressants. ومفيدة. Et utiles. ومختصرة. Ils sont abrégés. فتعليم الإمام لجماعة ذلك هذا شيء طيب. Que l'imam enseigne cela à ceux qui viennent prier auprès de lui, c'est quelque chose qui est bien. ولا بأس أن يرددها مثلا في السنة مرة أو كذا يذكرهم. Il n'y a rien de mal qu'il le répète une fois tous les ans pour leur faire un rappel. أو غيرها من الكتب الطيبة. Ou d'autres livres qui sont intéressants. نعم. متى تؤدى زكاة المال وهل لأدائها وقت محدود؟ Quand doit-on s'acquitter de la zakat et est-ce qu'il y a un délai délimité pour s'en acquitter? الزكاة فريضة. La zakat est une obligation. يجب على المسلم. Il incombe au musulman. المالك للنصاب. Qui a atteint le nisab. الحر. الحر qui a atteint donc un nisab, c'est-à-dire le seuil qui est soumis à la zakat. فهو يملك النصاب الذي دار حوله. Donc s'il a le nisab qui est resté auprès de lui auprès d'un an, حول. وهي في النقدين. Et elle est obligatoire dans l'or et l'argent. الحبوب والثمار والخارج من الأرض. Les fruits et tout ce qui pousse donc les récoltes. وأيضا في الركاز وسائمة الأنعام. Et aussi les trésors enfuis et les bestiaux. وعروض التجارة. Et aussi les marchandises qui sont exposées pour le commerce. فإذا دار على المال الحول. Si donc il y a une année qui est tournée, qui est passée, qui est écoulée pour le bien. تخرج منه ربع العشر. Tu dois t'en acquitter du 0,25%. يعني 2.5%. Voilà, 2,5%. من هو أجمل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم آدم أو يوسف عليه السلام؟ Quel est le plus beau des prophètes? Le prophète صلى الله عليه وسلم محمد آدم أو يوسف. هذا ليس طلب علم. C'est pas une façon de demander la science. وهذا السؤال لا ينفعك في الآخرة. Cette question ne t'apporte rien pour ton au-delà. فما الثمرة المترتبة على الجواب؟ Quel est le fruit donc d'une telle réponse à une question? خير الرسل إبراهيم أم محمد صلى الله عليه وسلم. Le meilleur des prophètes, c'est Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. هل يجوز وضع خاتم به كلمة الله في اليد اليسرى حفظكم الله؟ Est-ce qu'il est permis de porter une bague sur laquelle il y a un sceau sur lequel il écrit le nom d'Allah azza wa jal dans la main gauche? ما ينبغي هذا. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. لأن فيه تعظيم لله. Car on doit agrandir donc le nom d'Allah Azza wa Jalla. Et lui, peut-être, il va rentrer dans les toilettes. Lui, peut-être, il va rentrer dans les toilettes. وغير ذلك. Et ailleurs. فينبغي للإنسان. Il incombe donc à chacun. أن يعتني. De prendre soin. بما هو جيد. خاتم ليس فيه شيء من الملاحظات أفضل. Une bague sur laquelle il n'y a rien mentionné, c'est mieux. الزينة لا بأس بها. Se parer, c'est quelque chose de bien. ولكن الملاحظة الشرعية لا. Voilà. Donc prendre les choses qui sont légiférées, c'est encore mieux. هل هو حرام أن تشرب مشروبات بغير كحول لأنه تشبه بالكفار؟ Est-ce qu'il est autorisé donc de boire des boissons non alcoolisées ou bien c'est quelque chose qui هم يشربون شاي Est-ce qu'ils boivent du thé بدون كحول. Il n'y a pas d'alcool. ما أدري ماذا يقصد بهذا. على كل كل شرابنا حله الله يجوز شربه. Il dit je ne vois pas ce que la personne veut par sa question, mais en tout cas toutes les boissons Allah dans le qui il y a pas d'accord Allah il nous a permis. كيف تقضي المرأة الحامل إذا أفطرت يوما أو بعض الأيام في شهر رمضان؟ تقضي بعد ذلك. Une femme donc qui a pas jeûné suite à si elle était enceinte et qu'elle a pendant mangé un jour ou quelques jours, comment elle doit faire? Elle rattrape plus tard. اقرب وتسمع. نعم. قلنا أن أخته كانت حديثة عادة بالإسلام، ولكن الأب لا يعلمهم والأم لا يعلمونهم أن يصوموا شهر رمضان. فماذا تفعل؟ وإذا وكانوا لا يصومون، ظاهر أن الأولياء كانوا لا يرضون بذلك. يعني هم غير مسلمين. معلش أسأل السؤال على أنهم ليسوا مسلمين. وأنهم يعلموا هذا سيهددهم. طيب. Voilà, donc c'est une personne apparemment qui est convertie et dont les parents ne savent pas et ils ne savent pas comment jeûner le mois de Ramadan car si leurs parents le savent. Il risque de les menacer. Donc, comment il doit faire? بر الوالدين مطلوب. Obéir aux parents, c'est quelque chose qui est nécessaire. وين كانوا غير مسلمين. Même s'ils sont pas musulmans. الأم لها حق. La mère elle a son droit. والأب له حق. Et le père aussi. فيا من أسلمت. Ou toi qui t'es converti. هل معاملتك هي نفس معاملتك الأولى أم أن دينك وإسلامك يغير من وضعك؟ لا بد أن يروا منك تغير. Il faut que tes parents donc constatent qu'il y a un changement dans ton comportement. Il est nécessaire. Sinon, tu restes toujours le même à leurs yeux. Eux, peut-être, ils ne vont pas accepter que tu te convertisses. Patiente. Et patiente, ma fille. Car Allah il nous a recommandé que. Si tes parents ils t'ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas le faire, mais accompagné d'une manière, accompagné de la plus belle des manières. Voilà donc la voie à suivre. Patiente. وصومي. Et jeûne. ولا تظهري لهم أنك صائمة. Et ne leur montre pas que tu jeûnes. يقول إذا دخل المسجد وليس له وقت لأداء تحية المسجد ثم دخل في صلاة الفريضة فهل يصلي تحية المسجد بعد قبل أو بعد أو يكتفي بالفريضة؟ إذا نعم. Une personne donc qui est rentrée à la mosquée alors que la prière elle a commencé ou bien par manque de temps il ne peut pas prier la salutation de la mosquée, est-ce qu'il doit la faire avant ou bien il attend après ou bien elle se contente juste de la prière obligatoire qu'il a fait. يكفي. إذا صليت الفريضة خلاص. لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. Si tu as prié la prière obligatoire, cela te suffit. Car Mohammed sallam a dit que personne ne s'assoit tant qu'il n'a pas prié. Et donc la prière que tu as priée obligatoire, donc tu as fait ce que tu avais à faire. يقول أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري وعندي مشكلة تأتأة. أرجو منكم أن تدعوا لي بالشفاء ولي أخ لا يصلي ويمشي مع أصدقاء سوء أرجو أن تدعوا له بالهداية. Voilà, c'est une personne qui a 18 ans et qui a un problème donc de bégaiement. Il souhaite que Cheikh Hamdallah lui fait une dua et qu'il guide aussi son frère qui ne prie pas et qui fréquente, qui a des mauvaises fréquentations. نسأل الله يفصح لسانك. On demande Allah subhanahu wa ta'ala donc te dénoue la langue. ويهدي أخوك. Et qu'il guide ton frère. هل يجب سد الفرج بين الأقدام؟ جزاكم الله خير. Doit-on donc combler les trous qu'il y a entre les rangs avec les chevilles؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est donc le hadith du Nabi صلى الله عليه وسلم. سد الخلل. Voilà, donc boucher les trous. الخلل أين يكون؟ Les trous donc ils résident où؟ بين الأقدام. Au niveau des pieds. فسد ما بين الأقدام. Donc يستوي الصف. Coller donc vos pieds. فإن الشيطان يدخل بين الصفوف. Et le rang il sera droit car le شيطان il s'introduit entre les rangs. كلبهم يعني الخراف الصغيرة. خروف الصغير. Dit leur chien donc. Les chiens des shaytans, c'est eux qui s'introduisent entre les rangs. Ma huwa al-hijab fi al-shara'? Al-niqab mamnu' fi Fransa, wa mu'adham al-akhawat yatadina al-niqab. Fama al-hukm? Amrullah. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bin-nisbah. Quant à al-hijab al-mar'a. Quant au voile de la femme. Al-hijab al-taghtiyah. Al-hijab, c'est qu'elle se couvre. ولكني لاحظت ملاحظة. Mais j'ai remarqué quelque chose. أن بعض بناتي. Certaines de mes filles. يلبسن الجاكيت فوق الغطاء. Voilà, donc elles mettent les vestes au-dessus de leur voile. لا بأس، البسي الجاكيت. Tu as le droit donc de mettre ta veste. ولكن تحت. Mais en dessous. والبسي حجابك يا بنتي فوقه. Voilà, et mets ton hijab au-dessus. فلبسك للجاكيت فوق ذلك. Mettre une veste au-dessus. يبين أنت سمينة أو ضعيفة. Donc montre tes formes. يفتن. Et ça c'est une source de tentation. وخاصة عندما تلبس ذلك ويكون ضيق. Surtout lorsque la veste elle est étroite. فيفصل جسدها وخلفها وأقدامها يفصلها تماما. Donc il montre les détails du corps. ما يصلح هذا. Ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire. إذا أنت تلبسها تحت وتلبس حجابها فوقه. Mets la veste en dessous et après tu mets ton hijab au-dessus. أما بالنسبة للنقاب، quant au niqab, فمعروف عن فرنسا، donc il est connu que ici en France, أنها تحترم، respect, الحقوق الشخصية، les droits individuels، وكل له حقه الشخصي، et chacun a son propre droit، وهذا حق من الحقوق، et ça c'est un droit donc de chacun. أنا دخلت بعض المتاحف، je suis déjà rentré donc visiter quelques musées، هنا في فرنسا، ici en France، ووجدت J'ai trouvé أن المرأة الفرنسية que la femme française متغطية غطاء se couvre ومحتشمة d'une manière donc في الريف الفرنسي وهذا إلى عهد قريب et ça c'était pas encore loin dans l'histoire de la France هذا تاريخكم ça c'est votre histoire وموجود في متاحفكم il se trouve aussi dans vos musées بل حتى الرجال وصورهم باللحى Même les femmes, même les hommes, donc il y a des images avec des barbes. Je l'ai déjà vu et constaté. Ça représente donc la culture française. Et ça, c'est votre société. Nous demandons donc aux gens sages qui ont la décision qu'ils respectent les envies individuelles ou bien des musulmans. Nous les remercions. Et nous le remercions. كثيرا من الأمور التي يساعدون فيها أهل الإسلام. Pour beaucoup de choses qu'ils apportent aux musulmans. مثل هذه المساجد وهذه الأماكن. Comme ces mosquées, comme la construction des mosquées. بالنسبة للتناصح بين الإخوة، لكن الناصح لا يعمل بنصيحته. فهل هذا من النفاق العملي؟ Concernant des personnes donc, qui se conseillent mutuellement, il y a des frères qui apportent des conseils, mais celui qui apporte le conseil ne met pas en pratique la chose qu'il apporte en conseil. Est-ce que ça c'est considéré comme de l'hypocrisie au niveau des actes ? Prends donc toi le conseil et en tire profit. Et laisse-le donc faire comme il bon lui semble. الطبيب يقول لا تدخن وهو معه سيجارة. Le médecin parfois il dit ne fume pas alors que lui-même il a une cigarette dans la bouche. فأنت استفد من النصيحة. Toi donc profite du conseil. عندي مبلغ لأداء الحج مع زوجتي، لكن أريد طلب العلم في مصر وبعده الهجرة إلى المغرب، ما الأفضل لي، الحج أم الهجرة بعد طلب العلم؟ أنصحك بالحج. Je te recommande de faire ton pèlerinage. فإذا حجيت جعل الله لك من أمرك يسرا. Une fois que tu as accompli ton pèlerinage, Allah te facilitera les tâches. نسمع أنه من كان به سحر وعبر البحر بطل سحره وشفي، فهل هذا فيه دليل أو خرافات وجهل؟ Donc on entend parler que une personne qui si une personne a été ensorcelée puis après il voyage un voyage dans lequel il traverse la mer, le sihr ne prend plus effet et il va être guéri. Y a-t-il un dalil là-dessus ou ce ne sont juste que des mensonges? لا أعلم. Je ne sais pas. هل يجوز حجز مقاعد الصلاة في الصفوف الأولى والذهاب ساعة ونصف لقضاء حاجته والعودة إليها؟ A-t-on le droit donc de réserver des places dans le premier rang en posant des sièges, puis après faire aller à ses affaires pendant presque une heure et demie, après revenir? La, la يجوز. Ce n'est pas quelque chose qui est permis. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d'agir de la sorte. هل أستطيع أن أبعث أخ لي أن يبحث أو يطلب من زوجته أن تطلب لي معلومات من أختي للزواج بها؟ إن شاء الله لكن عبر الهاتف. Donc, la question, c'est une personne qui demande est-ce qu'il a le droit de demander à l'épouse de son frère, ou bien d'un frère, d'avoir des informations sur une sœur pour qu'il puisse se marier avec. Mais c'est par téléphone. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire par téléphone. يعني يريد يعني يتصل بهم يوافقون أو لا يوافقون، يريد أن يدخل المرأة واسطة بينهم، ما فهمت لم أفهم هذا. على كل يجوز أن تساعدك زوجة أخيك للبحث عن امرأة لك. Donc il dit, chérie, il a pas trop bien compris donc le sens de la question, mais il dit il y a aucun mal que de demander à la femme de ton frère ou bien d'un frère de se renseigner sur la sœur pour toi. هل أصلي الركعتين بين الأذان والإقامة في سفر؟ Est-ce que donc je dois prier les deux rak'a entre l'adhan et l'iqama lorsque je suis en voyage? La base. Il y a pas de mal à le faire. فهي جائزة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. Elle est autorisée parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit entre les deux adhan il y a une prière. وإن كنت تفعلها في وقت الإقامة فلا بأس أن تفعلها فلا تفعلها فهي تكتب لك. Et si tu la faisais déjà quand tu étais résident, il n'y a pas lieu de la faire parce qu'elle te va être prescrite, car tout ce que tu fais lorsque tu es citadin, il t'est prescrit lorsque tu es en voyage. ما الفرق بين الفرض والواجب وذكرتم فرض العين والفرض الكفائي والواجب فمتى يستعمل؟ Donc, quelle est la différence entre le fard, l'obligation donc, et le, en tout cas ce sont des termes qui sont utilisés dans le fiqh, le fard, le wajib, et vous avez cité donc fard al-ayn, le fard pour chaque individuel, et le fard al-kifa'i, et le fard qui suffit, dans le sens où s'il y a des personnes qui l'ont fait, les gens sont déchargés. Quand est-ce donc, faisons-nous usage du mot wajib? Fard al-ayn, comme la salah. Les obligations, donc fard al-ayn, c'est comme la prière. Voilà. Personne n'en est déchargé. Et le fard al-kifa'i. Et le fard al-kifa'i, donc celui qui suffit. Si le fait certains des musulmans, سقط عنك مثل صلاة الجنازة. Si une partie des musulmans le font, les autres sont déchargés, tel que la prière de la janaza. الواجب مثل صلاة الجمعة تسقط عن المسافر. Et l'obligation comme la prière de la Jumu'a, celui qui est en voyage, il en est déchargé. هل حلق الرأس فيه تشبه بالخوارج? Le fait de se raser toute la tête, donc tous les cheveux, est-ce que cela fait ressembler à الخوارج? أتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في وصف الخوارج سيماهم التحديق. Voilà, il est apporté dans un des hadiths du Nabi صلى الله عليه وسلم que fait partie des caractéristiques de الخوارج qu'il se rase la tête. ولكن هل يمنع أن الإنسان يحلق رأسه? Mais est-ce que cela veut dire qu'il est interdit de se raser la tête? لا. لا. يمنع أن يكون عقيدته كالخوارج. Voilà, ce qui est interdit, c'est d'avoir leur dogme. ما حكم الشرع في امرأة تمنع زوجها من طلب العلم؟ Qu'en est-il le jugement concernant une femme qui empêche son mari de demander la science? القوامة لك ولا لها؟ Qui est-ce qui qui est-ce qui le maître de la décision? Est-ce toi ou elle? هي الزوج. C'est elle l'époux. على كل وازن أمورك. En tout cas, il faut donc savoir juger. Ma bina ada wajibat al-bayt. Voilà, et essayer d'être équitable entre le fait de t'acquitter des obligations vis-à-vis de. Oh, ma bina. Ta demeure. حضور مجالس العلم. Et le fait d'assister aux assises de science. واللي يعرف إنها شحيحة عندكم. Est-ce que je sache que les assemblées et les assises de science sont peu. هل من الممكن والمسموح للمرأة أن تحلق شعرها وتشكله كما تشاء علما أنها في بيتها؟ Est-ce qu'il est autorisé et il est permis à la femme de se couper les cheveux et donc de se coiffer comme bon lui semble tout en sachant qu'elle reste toujours chez elle? لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال ولا بالعاهرات. Il ne lui est pas autorisé donc de se ressembler aux hommes ni donc aux femmes pervers. هكذا؟ ما أدري أنا. إذا وافقت. حطها في طرف اللحية. ما في مشكلة. لا بس. ما يعمل بالأوراق المكتوب فيها اسم الله هل تحرق ويدفن الرمال؟ لا بس. Qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles sur lesquelles il est écrit le nom d'Allah? Est-ce qu'on les brûle et enterre les cendres? Il n'y a pas de mal à le faire. امرأة كبيرة تقول أنا امرأة كبيرة وعندي أخ وأخت وعندنا أمنا عمرها تقريبا 100 سنة وكل من أخي وأختي لا يريدان أن يعتنيان بها فوضعوها في دار العجزة وأنا أردت أن أخذها في بيتي ولكن زوجي لا يريد فهل يمكنني أن أؤجر بيتا وأترك زوجي أعتني بها جزاكم الله خيرا. Donc ça c'est une femme qui est âgée et qui a un frère et une sœur. Et leur mère elle est encore en vie et elle a presque 100 ans. Et tout, que ce soit le frère ou la sœur, se décharge donc de leur mère. Et ils l'ont mis donc dans une maison de vieillesse. Et elle veut prendre sa mère chez elle, mais son mari ne l'accepte pas. Est-ce qu'elle lui est permis donc de louer une maison et de délaisser son mari et rester prendre soin de son époux, de sa mère? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خرج من النفق يا شيخ. بعد نحو 10 دقائق. طيب أبنائك هنا ينتظرونك عددهم. حتى نخرج من النفق يا شيخ. طيب. الآن الصوت غير واضح. أنا بالنسبة لواضح. الآن الصوت عندنا واضح جدا. تريد تبدأ يا شيخ؟ لا بس عندي ما هو طيب. خير. طيب طيب السلام عليكم. هذه مفاجأة. قل له. دي ساسي سوبريز. ولا تعرفون من هو. على كل هذا شيء طيب. Donc c'est une bonne chose. وكونها في دار العجزة. Et le fait qu'elle soit dans une maison de vieillesse. فهم أهل عقوق. C'est des gens qui ont désobéi à. كان يخدمونها هم. Ils doivent donc se mettre au service de leur mère. أما أن يترتب على خدمتك لها أن تطلقي وتتركي زوجك لا. Mais le fait que tu t'occupes donc de ta mère et que tu sois peut-être cela causera ton divorce et que tu négliges ton époux. Ça c'est quelque chose qui est pas autorisé. هكذا فهمت أنا. إيه هذا ولا؟ لا. طاعتك لزوجك أو لا. فهو جنتك ونارك. Donc ton obéissance à ton époux elle passe avant car c'est lui ton paradis, c'est lui ton enfer. يقول ما حكم شراء الإقامة في السعودية لأجل أن يقيم هناك ويطلب العلم؟ Qu'en est-il de celui qui veut acheter donc une résidence pour séjourner en Arabie Saoudite et pour demander la science? أسأل السفارة السعودية. Adresse-toi donc à l'ambassade saoudienne. يقول هذا ما حكم من يزور الأوراق لإقامة في بلاد الكفر ثم يشتغل أو يتاجر بهذه الأوراق لكن في الحلال فما حكم المال الذي يكتسبه بسبب تزوير الأوراق أفيدون أتابعكم الله هو يقول مزور ça c'est une personne qui pose la question le fait de falsifier des documents pour résider dans un pays donc étranger et Qu'en est-il donc de l'argent qu'il acquit suite à une activité commerciale qui est due à ces papiers-là? Il dit Cheikh Rahmatullah, il dit lui-même, il dit qu'il est Muzawwir, donc c'est un falsificateur. Al Muzawwir? Et celui qui falsifiait, Rashash. C'est un tricheur. Wal Rash la yajouz. Et tricher, c'est pas quelque chose qui est autorisé. La ala muslim wa la ala ghayr muslim. Que ce soit pour un musulman ou un non-musulman. Wal Rashashin laysu minna. Ceux qui trichent ne font pas partie des nôtres. وما بني على باطل فهو باطل. Est-ce qu'il est bâti sur quelque chose qui est vain, il est vain. Est-ce qu'il est bâti sur le faux, il est faux. ما الفرق بين الوصف والهيئة جزاكم الله خير. الهيئة مثل دعاء ركوب الدابة. Donc quelle est la différence entre le wasf, c'est-à-dire donc l'adjectif, et le hayah, la manière. الوصف الهيئة أيضا مثل إتيان الرجل لزوجته. La manière, c'est le fait de monter une monture, ou bien comment avoir des rapports avec son épouse. Al-wasf lil-fi'l. Quant à l'adjectif, lui, il parle de l'action. Wasfuhu, كيف يفعله, كيف يمارس ذلك الفعل. Comment il fait telle ou telle chose. يقول هل هناك هل فيه ترتيب بين القول والعمل وما هو القول في الأصول الثلاثة. تعلم العلم. Donc la question c'est quel est l'ordre. العمل به. Entre donc le fait de entre la parole et قول لا إله إلا الله. Donc le قول c'est le fait de dire لا إله إلا الله. العمل بها. Et العمل c'est la mettre en pratique. الإيمان. La foi. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان بالله وملائكته. dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, croire en Allah, en ses anges. الأعمال من الإيمان. et les œuvres font partie donc de la foi. بينها تداخل. en fait il y a les unes entrent dans les autres. المسجد قريب من بيتي يقوم الإمام فيه يوميا بدعاء القنوت في صلاة الصبح فماذا أفعل حفظكم الله. dit donc la mosquée dans laquelle il prie et qui est la plus proche de chez lui, l'imam dans la prière de l'Fajr, il fait qunut, qunut. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? لا بأس في الصلاة فيه. il n'y a aucun mal donc de prier derrière lui. هل يجوز لي أن أعطي من زكاة مالي لأمي لقضاء دينها علما أنها في حاجة رغم مساعدة أخي لها. est-ce qu'il est permis donc de donner de ma zakat à ma mère pour qu'elle s'acquitte de ses dettes tout en sachant qu'elle est dans le besoin malgré l'aide que lui apporte mon frère. أمك يجب عليك أن تعمل بها كما فعل أخوك. donc tu dois agir avec ta mère comme a fait ton frère. ويجب عليك النفقة. donc tu dois subvenir à ses besoins. وكل من تجب عليك نفقته et tous ceux qui sont à ta charge. لا يجوز دفع الزكاة إليه. tu ne dois pas leur donner la zakat. عطها من حر مالك. donne-lui donc de tes propres biens. بما أنك عندك ما تزكيه. à partir du moment donc où tu as de quoi sortir la zakat. عطها من رأس المال. donne-lui donc de ton capital. فهي أمك. car c'est ta mère. اعتنت بك. elle a pris soin de toi. وسهرت عليك. et elle a veillé des nuits pour toi. اقضي دينها. donc et acquitte-toi de ses dettes. يفرج الله لك. يا الله سبحانه وتعالى donc tu trouveras une issue favorable. ما هي المنهجية الصحيحة للأخوات في تحصيل العلم خاصة في بلاد الكفر. quelle est donc la manière correcte pour les sœurs pour apprendre la science surtout donc dans les pays de mécréance. هذا سؤال مهم. c'est une question qui importe. أشكر بنتي على هذا السؤال. donc je remercie celle qui l'a posé. لأنه مهم. car il est très très intéressant. إن وسائل تحصيل العلم. les moyens pour apprendre في هذه العصور المتأخرة dans ces temps modernes أصبحت أفضل وأفضل بالطرق من ذي قبل. ils sont encore meilleurs que les moyens qu'avaient les prédécesseurs. قديما لا تستطيع الرجال فضلا عن النساء. donc jadis les hommes sans parler donc des femmes ne pouvaient pas apprendre la science. من الرحلة في طلب العلم وتحصيله. ils devaient donc faire des voyages. أما الآن وسائل الأمور العصرية quant aux moyens qu'il y a donc à notre époque والتواصل الاجتماعي et les moyens donc de télécommunication وليس الكتب فقط بل حافظات الصوت والصورة et ce, il n'y a pas seulement que les livres il y a même donc les choses qui enregistrent à la fois le son et l'image فاستفيدي يا بنتي من خلال هذه الوسائل والمواقع voilà donc profite à travers ces moyens et à travers donc les sites الجيدة qui sont donc conseillés لا سيما مواقع المشايخ الكبار surtout donc les sites des grands savants كالشيخ الفوزان والشيخ ربيع الشيخ فوزان الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء لا أحصي العلماء كلهم tous. تستفيدين يا بنتي tu vas en tirer profit. تستمعين tu écoutes. بل حتى الأموات même les morts. ابن عثيمين رحمه الله بن باز نباز الألباني رحمه الله جميعا تستطيعين يا بنتي تستفيدين وأنتم يا شباب أيضا y a pas que toi même vous les jeunes تجدون العلم تيسر. Aujourd'hui, donc, apprendre la science est devenu quelque chose de facile. تجلس على كرسي. Tu t'assois sur une chaise. تضغط. T'appuies. بن باز يتكلم. ابن باز يفعل. ويشرح. Et il explique. تريد تأكل. Voilà, tu veux manger. سكرت الجهاز. Donc tu mets en pause. أكلت. Tu manges. ابدأ. Et après tu relances. يبدأ. درس آخر. Deuxième leçon. Deuxième. والله تيسرت لنا السبل. Par Allah, donc les moyens sont beaucoup plus faciles. أذكر كلمة قبل أن يلقي الشيخ صالح السحيمي كلمته. donc je vais vous dire quelque chose avant que Sheikh Suhaimi va parler. ويختم دورتنا. et après donc il va conclure notre réunion. أذكر الشيخ صالح الفوزان. je me rappelle donc je vais vous citer quelque chose de Sheikh Fawzan. سألته عن طلب العلم. je lui ai posé une question sur le fait de demander la science. قال لي بهذه الكلمة. il m'a dit donc textuellement. كان في وقتنا à notre époque هم الطالب العلم عالية جدا la volonté de celui qui demande la science elle était très très élevée ومصادر التعلم صعبة et les sources pour apprendre, elles étaient difficiles d'accès. من الكتب والمشايخ. Que ce soit les livres ou les shuyukh. لبعد المسافة وعدم تيسر كتب العلم. Par rapport à la distance qui nous séparait des shuyukh et aussi l'accès et d'avoir les livres. وأما الآن. Quant à aujourd'hui. انتشرت سبل التعلم. Les moyens pour apprendre se sont répandus. وقلت همة طلبة العلم. Et c'est la volonté de ceux qui demandent la science qui a régressé. فشد الهمة. فني دي بون ريزوليوشن. هل فيه اختلاف بين البيع والشراء على الانترنت والبيع والشراء العادي فيما يخص الأحكام الشرعية في البيع والشراء؟ وهل يجوز استعمال بطاقة فيزا للشراء؟ وما هو نفس المجلس في البيع والشراء على النت؟ Donc, est-ce que les règles concernant la vente divergent, que ce soit sur Internet ou bien la vente donc directe? Et qu'en est-il le fait de faire usage des cartes donc de Visa pour acheter sur Internet? Car et comment donc se concrétise le fait donc finir le majlis, c'est-à-dire que ça soit dans la même assemblée? غالباً مواقع الإنترنت الشرائية. La plupart donc des sites de vente. عبارة عن عرض. Ce sont donc on expose des marchandises. والطلب يكون منك أنت أو من غيرك. Voilà, et la demande elle vient de la part de celui qui achète, que ce soit toi ou autre. والبيع والشراء عرض والطلب. Voilà, et la vente donc c'est j'expose une marchandise et il y a une demande en contrepartie. وهذا الأمر صفاته معروضة. Okay. Et cette les choses qui est vendue, elle est décrite et détaillée. فهذا شراء. Donc c'est une vente. ولكن أما مسألة الفيزا. Quant à ce qui concerne donc les cartes de crédit. لا أعلم نظامها عندكم. Je ne sais pas donc comment elle fonctionne ici. ولكن أعلم بعض البنوك عندنا نظام الفيزا. Mais je sais que chez nous donc certaines banques. المبلغ الذي تشتري به. La somme que tu achètes. يخصمونه من راتبك. Voilà, il les déduit tout de suite de ton compte. وليس في ذلك زيادة. Voilà, et ils ne prennent aucune plus-value. حتى لو كان راتبك ليس فيه شيء. Voilà, même si ton compte donc il est حسابك ليس فيه شيء. Rien donc sur le compte, il est débité. ينتظرون حتى يأتي ثم يأخذون. Voilà, donc ils ne se servent pas tout de suite. Ils attendent que ton solde soit crédité. وهذا مشروط على فيزا. Voilà, et ça c'est une condition qui est inclue pour l'usage de la carte de crédit. فهم كذلك. Et ça donc ça revient de la même chose. الشيخ هو الذي يتصل. Voilà, c'est Cheikh qui appelle. حريص عليكم. Voilà, il veille sur vous. ولكن استقبال ب 12 اورو. Si je décroche, il a dit l'appel il coûte 12 euros. مرحبا شيخنا. اي تتصلون ولا تتكلم؟ ابد، تريد على حسابنا ولا على حسابنا؟ ما عندك مشكلة ابد، خلاص انا اتكلم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنتصل بعد قليل بالشيخ صالح السحيمي وفقه الله لتكون له كلمة في هذه الدورة العلمية المباركة ويختم بها وفقه الله لكل خير وجعله مسددا. فها هو فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم فعاليات هذه الدورة المباركة في مسجد السنة بروبي، وفق الله الجميع. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة أن ألتقي لاستتام هذه الدورة المباركة بروبي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإذا كان لي من وصية أوصي بها نفسي وإخوتي فهي وصية بتقوى الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن والمنشط والمكره والحرص على طلب العلم والجد والاجتهاد في ذلك واخذ العلم من مصادره متوخين في ذلك هدي الكتاب والسنه بعيدا عن الافراط والتفريط. فالعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يؤخذ العلم عن اهله. إن العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: ولو رسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إخوتي وأحبتي في الله، إن العلم ليس بالأمر السهل، وإن كان سهلا في واقع الأمر لمن وفقه الله عز وجل، لكنه مع المثابرة والجد والاجتهاد وأخذ العلم بمصادره الأصيلة سوف يكون سهلا بإذن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نصبر، فإن العلم ستة آداب لا بد من مراعاتها. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وذكاء وصبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الأول الذكاء، فإذا رزقك الله الذكاء فتخشره بالعلم، لأن أهل الباطل أوتوا ذكاء وأوتوا ذكاء، وأما أهل السنة فقد أوتوا ذكاء وذكاء. والذكاء وإن كان هبة من الله عز وجل، إلا أنه يمكن أن ينمى بفضل الله ثم المدابرة على طلب العلم النافع من مضانه ومصادره. وحرص تجتهد بكل ما أعطاك الله عز وجل من أمور تمكنك من طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وتحرص على تقييد المسائل أولا بأول حتى تؤديها عند استذكارها وتعيدها كما سمعتها. والصبر يتطلب الصبر، فالعلم جهاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد، قال: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. الذي يطلب العلم هو مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعليك بالصبر الذي هو نصف الإيمان، وبلغة أي ما تستعين به، لا إياك أن تستقل أن تستكثر المال الذي تنفقه في سبيل طلب العلم من شراء الكتب النافعة وبناء دور العلم والإسهام فيها والحث عليها والترغيب فيها وطباعة الكتب العلمية كتب أهل السنة، فإن ذلك من العلم الذي يبقى لك وتنتفع به بعد وفاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأنفق ما يفتح الله بك عليك من الأموال التي يعود نفعها عليك وعلى المسلمين كافة. وصحبة أستاذ، يعني العلم يؤخذ عن أهله، يؤخذ عن الشيوخ، يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وطول الزمان تصبر على الوقت إلى أن تلقى الله. طالما أنك سائر في طلب العلم فأنت سائر في طريق تسلكه إلى الجنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن أيها الإخوة بالله، علينا أن نتمثل بهذه الآداب وأن نطبقها وأن نجتهد في أدائها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ثم إنني في الختام أشكر الإخوة على تهيئة هذه الفرصة، وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على هذه الجهود المباركة، ونسأل الله أن ينفع بهذه الدورة وأن يجعل رائدنا وإياكم بها هو الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الطرح المتميز، وأبناؤكم في مسجد السنة بروبي يدعونكم لزيارة فرنسا. نرجو الله أن يحقق ذلك وأن يكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى. خلاص طيب طيب، شكرا لكم شيخنا، السلام عليكم، جزاكم الله خير. سلام عليكم. Donc, comme vous l'avez entendu, chef, il a donc laissé la parole à Cheikh afin qu'il conclue donc cette réunion. Il a dit, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ses œuvres soient sincères pour Allah azza wa jalla et qu'il nous accorde la science qui est bénéfique et les bonnes œuvres. Voilà donc, Cheikh, il vous recommande, il dit, la première recommandation que je vous donne, c'est la recommandation de craindre Allah azza wa jalla, que ce soit en public ou bien en secret. Et aussi, il vous conseille donc de demander la science et de chercher la science auprès de ses sources. Tout cela en suivant la guidée du Coran et de Sunna. Comme il a dit, Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu. La science c'est Allah a dit, son messager en dit. Et il faut savoir que la science, il faut qu'elle soit prise auprès de des gens de la science. Et Allah Azza wa Jal, donc, comme il nous l'a recommandé dans Surat An-Nisa, il a dit: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Et si lorsqu'on divergeait, on revenait à Allah et à son messager et à ceux qui ont la décision et ceux qui ont la science, cela leur serait encore meilleur. Aussi, il a dit que demander la science, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Mais c'est quelque chose qui relève qui devient simple pour celui qu'Allah lui facilite la tâche, surtout s'il fournit les efforts dans cela. Nul doute qu'il deviendra facile, car Allah, comme il l'a mentionné à maintes reprises dans Sourate Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour le rappel, y a-t-il quelqu'un donc pour le faire? Donc on se doit de fournir les efforts et de patienter. Puis Cheikh, il a donné 6 adabs, 6 règles pour obtenir la science. La première des choses, al-dhaka, l'intelligence. Et ça, c'est un don qu'Allah, il fait. Et comme il a dit, les gens de Ahl-Sunnah, Allah, il leur a donné une intelligence et aussi une zakat. Et il les a purifiés. Par contre, les gens de l'Batil, eux, ils ont eu une intelligence, mais ils n'ont pas eu de zakat. Pas de piété. Et comme il a dit, combien même si Allah subhanahu wa ta'ala, donc combien même l'intelligence, c'est un don d'Allah azza wa jal, mais il peut être nourri en demandant la science. La deuxième chose qui est recommandée, c'est le hirs, c'est le fait de veiller. Et on doit donc fournir les efforts avec tout ce qu'Allah il t'a accordé pour que tu puisses acquérir la science. Et aussi, tout cela en notant. Taqyid al-masa'il, tu dois awwalan bi-awwal, c'est-à-dire tu dois apprendre la science pas par quoi, et la chose la plus importante, et tout en notant, et à chaque fois tu dois revenir à tes notes. La troisième chose, c'est la patience, sabr. Il a dit que l'ilm c'est un jihad. Demander la science, cela relève de le jihad. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a informé, il a dit celui qui est venu à cette mosquée pour demander la science, il est considéré comme un mujahid. Et comme il a dit donc, on se doit de la patience, car la patience c'est la moitié de la foi. Donc, il a dit aussi, prends garde d'être avare avec ton argent pour demander la science, que ce soit pour acheter des livres ou pour construire des demeures dans lesquelles, ou bien des écoles dans les gens, ou bien des mosquées dans lesquelles les gens ils vont apprendre la science, ou bien aussi en imprimant des livres, les livres de Ahl Sunna. Et comme il y a dit aussi, sachez que tout cela, ça va rester comme des œuvres, sadaqa jariya. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois qu'une personne elle décède, ses œuvres elles sont coupées, sauf d'une sadaqa jariya, et il en a compté parmi ça, l'ilm, la science qui reste. Aussi, il faut un enseignant. Il faut aller chercher l'ilm auprès de ces gens, ahlul ilm, ash-shuyukh al-ulama. C'est auprès de eux qu'il faut demander la science. Et le quatrième point, c'est tour zaman, c'est-à-dire, il faut être endurant. Et il faut cela, demander la science demande beaucoup de temps. Tu dois demander la science jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azza wa Jal. Car tant que tu demandes la science, tu es sur la voie qui mène vers le paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte une voie pour chercher la science, Allah lui facilite une voie pour le Jannah. Voilà donc quelques règles et quelques comportements qu'il faut adopter. Et puis finalement, Cheikh, il a remercié les frères qui ont été la cause d'une telle réunion, et il a remercié aussi notre cheikh pour l'effort qu'il fournit. خلاص الشيخ ختم الدوله وبشركم انه سوف يزوركم هنا. Voilà, donc il a dit cheikh, il a conclu daura, et aussi donc cheikh lui a dit que nous l'invitons à venir ici en France, et il a dit dès qu'il aura l'occasion il viendra inchallah. تعرفون متى؟ Vous savez c'est quand? حتى انا. Il a dit même moi je ne sais pas. ولكن. Mais. ممكن. C'est possible. بعد العيد. Après العيد inchallah. السلام عليكم. أي عيد؟ Il vous a pas dit quel عيد.